Pour rappel, la dernière fois, vous aviez quitté Justicienne et nous avons suivi votre périple durant 3 jours. La première journée, vous avez traversé la Borka jusqu'à la frontière nord de la Franca, puis vous vous êtes rendu dans la ville de Bassam, où vous avez rencontré les trois cousins que vous n'aviez pas vus depuis quasiment un an, un petit peu moins. Et vous les avez aidés avec leurs soucis, puisque ces derniers, qui venaient d'ouvrir une distillerie en ville, avaient subissé le racisme d'un groupe d'orgiastiques en ville. Par la suite, vous êtes donc reparti en direction de la forteresse alpine. On s'était arrêté d'ailleurs juste à votre arrivée au niveau de cette dernière. Pour vouloir décrire rapidement la forteresse alpine, il faut vraiment imaginer, c'est le goulot d'étranglement d'à peu près toute l'Europe. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, il y a de fortes chances que vous passiez par la forteresse alpine pour passer d'un pays à un autre. À part peut-être les Hébrides espagnoles, du coup. Elle fait frontière entre la Franca, la Borca et la Purgarie. Donc ça fait donc vraiment trois zones extrêmement importantes et sans doute les trois zones les plus peuplées d'Europe. Lorsque vous faites la queue, du coup, vu qu'elle est finalement assez petite, il y a d'autres forteresses un peu plus petites dispersées dans les Alpes, même si celle-ci est donc la principale. Vous avez donc des affluents de personnes qui se regroupent et ça crée en fait des espèces de bouchons. Il y a beaucoup de voyageurs avec des marchandises ou sans marchandises qui restent bloqués là-bas. Et vous êtes obligé comme ça d'attendre pendant des heures. Juste en face de cette espèce de géant qui sort de la neige, un géant en acier et en béton armé, sur lequel vous avez des tourelles et ces hommes en armure intégrale militaire, armés de fusils d'assaut, de lance-grenades, de snipers, un équipement qui dénote complètement de ce que vous avez l'habitude de voir d'habitude. Ils sont donc là, ils vous fixent du haut de leur muraille tandis qu'on vous fait passer, qu'on vous interroge les uns après les autres. Après avoir attendu quelques heures et qu'on se soit assuré que vous ayez de quoi passer les droits de passage et de douane, on vous a divisé en plusieurs catégories et on vous a fait rentrer dans des parties différentes. On vous a également fouillé pour à peu près savoir ce que vous aviez. On a vérifié vos papiers, vos documents d'identité et également vos potentiels antécédents. Mogosh, tu sais par exemple que tu as pu te prendre quelques regards un peu, disons, jugeants, en tout cas interrogateurs. Notamment face à ton tatouage, évidemment, que tu arbores au niveau du bras. Mais ton statut, plus le fait que tu sois accompagné d'un hospitalier, d'un juge, et qu'en soi, on n'interdit pas les anciens criminels de passer, font que tout s'est quand même bien passé. Vous traversez donc la forteresse jusqu'au hub principal. Vous êtes entouré de plusieurs murs de béton assez grands, et vous vous retrouvez dans cette espèce de hall de sous-surveillance, tandis que vous pouvez vous poser sur le côté, vous avez des tables qui sont à disposition, entre autres, et vous pouvez définir votre futur trajet. Autour de vous, vous avez des tas d'autres habitants, des voyageurs, certains vont dans la même direction que vous, d'autres passent à l'opposé. Le tout parle généralement en fait une espèce de mélange de langues assez diverses. Vous avez du francéen, du borkéen, de l'hibri espagnol parfois même un petit peu. Vous avez également beaucoup d'anabaptistes qui fuient la Purgarée, qu'ils sont en train de perdre. Et vous entendez à droite à gauche les discussions des voyageurs, des gens qui se trouvent ici. Tandis que vous, vous vous asseyez, vous avez également des feux qui ont été allumés, ce qui fait relativement froid là où vous vous trouvez. Vous avez quelques couvertures également que vous avez pu sortir si jamais vous en aviez avec vous. Je me sens que vous aviez acheté des couvertures. Et vous entendez voilà les gens parler. Certains planifient leur futur trajet. Vous avez des groupes de commerçants qui, eux, en profitent pour faire un petit peu de troc à l'intérieur de la forteresse alpine. Vous entendez des gens se plaindre auprès de certains helvétiques. Peut-être que, par exemple, l'un des leurs n'avait pas eu suffisamment de quoi payer le droit de passage et s'est retrouvé bloqué de l'autre côté. Son groupe a donc dû continuer sans lui. Vous savez en plus que les helvétiques ont autorisation de tirer à vue sur les gens qui tenteraient de passer par les montagnes. Même si a priori c'est rarement nécessaire, les gens généralement réussissent à se tuer tout seuls en tentant un tel périple, hein, entre les chutes de neige, le froid extrême. Quelques clans qui, paraît-il, vivent à l'intérieur, c'est un endroit qui est relativement dangereux. J'aimerais voir avec vous quelque chose par le prisme de Lito, qui, au niveau de votre table, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais il y a tellement de monde que vous êtes obligé d'attendre peut-être 20 bonnes minutes debout en attendant que l'une d'entre elles se libère, en fait, et de pouvoir vous asseoir, comme dans un restaurant qui serait surpeuplé. Et à ce moment-là, il vous sort une carte qu'il achète à un groupe de marchands et commence dessus à y tracer plusieurs chemins. Cette fameuse carte, je vais vous la poster sur le channel Aide de jeu et elle va permettre de définir par où est-ce que vous allez rejoindre Toulon. Puisque, vous explique Lito, il y a trois chemins différents pour vous y rendre. Sur la carte que je vous ai envoyée, je les ai surlignés en vert, en rose et en bleu. Bon, évidemment, Lito n'a pas sorti ses petits surligneurs de toutes les couleurs, mais c'était plus simple pour nous de voir ça. Je sais pas si vous voyez donc le chemin vert, le chemin rose et le chemin bleu. Chacun part d'une espèce d'hexagone avec écrit The Fortress Alpine, enfin The Alpine Fortress, et rejoignent en bas à gauche de la map, donc au sud-ouest, la ville de Toulon. Le premier chemin, celui qu'à peu près tout le monde ici qui se rend jusqu'à Toulon, va prendre, c'est celui du milieu. À ce moment-là, il vous pointe le chemin rose. Donc. Il s'agit du passage Bernois, une longue route à travers les Alpes. La plupart des voyageurs et des marchands vont passer par là. C'est une zone protégée par les Helvétiques, relativement sans danger. Il nous faudra payer quelques taxes. Et malheureusement, prendre notre mal en patience puisque tous les 40 km environ se trouvent des postes de douane derrière lesquels nous devrons nous arrêter. Ils servent à la fois à réguler les taxes et à la fois à réguler le trafic à l'intérieur des Alpes. Vous imaginez bien que le chemin est relativement étroit pour l'avoir emprunté quelques fois dans ma vie. Le souci que nous avons donc avec ce chemin, c'est que ce sera sans doute le plus long. Comptez parfois jusqu'à 3 jours d'attente entre chaque poste. Il doit y avoir environ 200-300 km, peut-être seulement 200 de traversée, donc ça fait quand même au moins une bonne semaine, voire deux, jusqu'à arriver au chemin brûlé au sud. Le chemin brûlé, c'est la grande route qui relie en fait la côte jusqu'à Toulon. Ça, c'est l'une des routes principales pour nous rendre en ville. L'autre trajet que je peux vous proposer, c'est de faire un grand détour par Bermago. Donc juste à côté de Lucatore, si vous vous rappelez. Pareil, ce sera pas le chemin le plus rapide, mais ça nous garantit de pouvoir passer sans trop payer de taxes et de faire des économies qui pourraient s'avérer intéressantes pour la suite. Enfin, si jamais vous êtes d'humeur négociatrice, on pourrait voir avec certains des Spitaliers qui se trouvent ici même avec nous à la forteresse pour tenter d'emprunter le troisième chemin. Bon, là, il vous pointe le chemin vert, donc celui de l'ouest. Celui-ci va nous demander de passer par le sentier du chasseur et de se rendre directement en territoire infesté. Le danger là-bas, c'est qu'on va se retrouver en plein milieu des terres dévastées, mais nous serons sous escorte hospitalière, puisqu'ils font relativement souvent des allers-retours entre la forteresse alpine et un hôpital qui se trouve, un hôpital de campagne, l'hôpital de campagne de Mercure qui se trouve sur le chemin, à l'intersection entre le Rhône et le sentier du chasseur. Il faut savoir que les faux-bourdons que nous craignons par-dessus tout ne se trouvent que sur Terre et les Spitaliers empruntent donc le Rhône pour se rendre jusqu'à Toulon et jusqu'au sud. De plus, le territoire que nous allons longer est un territoire, celui de Mornakir, d'après mes renseignements, est une zone pacifiée. Les Néolibiens ont conclu un pacte avec le Féromancien qui y vit, Et il a ordonné à ses faux-bourdons de ne pas s'en prendre aux voyageurs qui y passeraient. Je ne sais pas ce que vaut la parole d'un fait romancien, mais il paraîtrait que la zone est relativement sûre. On n'est pas obligé de se décider maintenant, on a quelques heures devant nous et il me semble que vous avez un détour à faire sur place, non? À ce moment-là, il se retourne vers toi, Efflux. Oui, tout à fait. Je dois aller voir l'apprévisionneur Chopper. Très bien. Je vous propose donc qu'on en discute entre nous. Globalement, retenez ça. La route passant par le sentier du chasseur et le Rhône sera sans doute la plus rapide. Et ce sera peut-être l'occasion de rencontrer de futurs collègues à vous qui se rendront également en ville. Nous avons la route du passage bernois, sans doute la plus sûre de toutes, mais la plus chère également. Ou alors, nous pouvons faire le détour par la Purgarée. C'est le chemin le plus long, mais le moins cher et sans doute pas aussi dangereux. À vous de voir. Dans tous les cas, moi je vous suis. Je vous laisse débattre de tout ça. Eh bien, si Efflux doit passer par le territoire de ce ferromancien, autant se débarrasser tout de suite, j'ai envie de dire, si c'est possible, de cette tâche, si c'est le chemin le plus Non, non. court. C'est ici que je dois voir quelqu'un. J'ai pas de route particulière. D'ailleurs, en mon sens, je pense qu'il est important de notifier qu'on n'est pas pressé. On n'a pas eu d'ordre de s'y rendre dans la journée, au plus rapidement possible. Et qu'il est peut-être plus intéressant, du coup, de passer par des chemins plus sécurisés, qui ne vont pas nous mettre dans la difficulté avant même qu'on commence notre mission. Alors, certes, mais du coup, je ne sais pas si tu fais référence et plus que au passage bernois, mais comme l'a dit notre cher compagnon, je pense que tout cet argent qu'on va devoir dépenser dans les postes de douane pourrait nous être utile dans ce que nous avons à faire après. Alors, je te rejoins sur l'argument que nous avons tout notre temps à prendre. Et dans ce cas, peut-être que le passage par la Purgarée me semble, comment dire, Oui, le bon, meilleur. je suis d'accord. Mon refus était surtout envers le sentier du chasseur qui me semblait une prise de risque trop grande par rapport à ce qu'on a à faire. Peut-être, mais c'est plus rapide. Et comment Certes, dire c'est plus rapide, mais à quoi ça sert? Alors, on est déjà en trajet depuis 2 semaines, entre une semaine de plus ou une semaine de moins. Enfin, je ne sais pas si on est parti depuis 2 semaines, mais je crois que ça fait quand même un moment qu'on est en route. Quoi qu'il en soit, on est parti depuis un moment. Et Flux, tu préfères la sécurité et donc prendre plus de temps à un potentiel danger sur un sentier, sur le sentier des chasseurs, mais rien ne nous dit, rien ne nous assure que en passant par les autres chemins, nous ne connaîtrons pas de soucis particuliers ou d'embuscades ou que sais-je. Bah, Selon. si tu veux être sûr d'y avoir aucun problème, on prend le chemin bernois et on paye les taxes, hein. C'est vrai que le seul qui est vraiment sûr, du coup, pour vous expliquer, enfin, pour essayer de mettre vraiment les choses au clair, le seul qui est vraiment sûr en soi, c'est que c'est le passage bernois, vous êtes sûr que vous tomberez pas sur des bandits ou autres. Parce que là, toutes les 40 km, il y a un poste helvétique. Ça serait du suicide pour n'importe quoi J'ai même de s'en prendre à des voyageurs ici. Bref. Oui, En soi, on a largement plus de le chemin quoi bleu, c'est qui tout double? payer les taxes. Enfin, je me mets à la place de bandits ou autres. Le chemin par Bergamo, pardon, c'est l'idéal parce que justement, ils vont penser que les gens qui veulent pas dépenser d'argent vont passer par là, ils mettront plus de temps. Et que c'est facile de leur tomber sur le col pour les détrousser. Alors qu'ils se disent forcément que le sentier du chasseur est entre guillemets, le plus dangereux des trois. Oh, du coup, les gens vont moins difficilement être aller là-bas pour faire une enquête. En réalité, le sentier du chasseur n'est pas dangereux du tout. C'est juste qu'il n'est pas praticable. En fait, c'est la propriété des spitaliers. Par contre, le Rhône, c'est tout de suite là un peu plus risqué, ça c'est sûr et certain. Bah, vous êtes en territoire ennemi. Même si le fait que. Si les spitaliers passent par là, c'est qu'ils ne sont jamais attaqués parce qu'ils ont. Enfin, il y a un pacte de paix qui a été conclu. Et qu'en plus, ils passent par le Rhône, donc ils ne sont pas, entre guillemets, sur la terre. Quoi. Maintenant, c'est sûr que oui, évidemment, ça reste un peu inquiétant comme passage. Quoi. Voilà. Donc, c'est ce que je me dis, c'est que. Parce qu'il y a un risque qu'on peut pas écarter de tomber sur quelque chose, que les gens auront plus tendance à soit prendre le Bernois, soit de passer par Bergamo, et voilà. Donc c'est pour ça. Après, je comprends pas pourquoi on s'attache autant à l'argent, sachant qu'on est quand même payé 1000 lettres de chance par mois, que vous avez vos propres lettres de chance. On a largement de quoi. Moi, c'était plus en termes de temps, personnellement, mais l'argent. Le temps, on n'est pas pressé, on n'en a rien à faire du temps. Lito, quels sont, toi qui es déjà passé par l'école des Helvétiques et par le passage vers moi, à peu près pour un groupe de notre taille avec aucune marchandise, combien penses-tu que nous aurions à payer de droits de douane? Si jamais. Peut-être on pourrait, si jamais tu ne sais pas, on pourrait demander aux marchands autour de nous. J'imagine que certains ici doivent être amplement au courant. C'est une bonne idée. Je vais aller poser 2-3 questions. Les tarifs ont sans doute évolué depuis mon dernier passage. Je reviens vous voir dans quelques instants. À ce moment-là, il se lève et il en profite pour aller se dégourdir un peu les jambes et aller. Porter la parole à quelques helvétiques et quelques ferrailleurs de passage. Il revient quelques instants plus tard. Globalement, on devrait pas en avoir pour trop cher. Dans tous les cas, notre passage à la forteresse alpine actuellement va nous coûter 50 lettres de change, qui est pas très cher pour nous tous, étant donné qu'on est accompagné de bêtes. Ensuite, le passage bernois, ce sera sans doute peut-être 100 à 150, voire 200 de plus. Ça dépend, les taux changent assez régulièrement, ça dépend de l'état des routes. Le souci qu'on va avoir actuellement là-bas, ça va être surtout le climat. C'est l'endroit le plus en altitude qu'on nous propose. Il va neiger, il va faire froid. On risque d'être bloqué par de potentielles chutes de neige sur les routes. Donc c'est surtout ça qui fait qu'on devra peut-être payer un surplus en provision au cas où. On n'a pas envie de se retrouver piégé en plein milieu. Mais au moins on évite toute potentielle attaque que l'on pourrait, ou embuscade, que ce soit de Gendos ou de Clanist ou quoi que ce soit d'autre, sur lesquels on pourrait tomber en remontant vers le nord par le chemin de Bermago. Ben, personnellement, moi je vois pas d'inconvénient à se rendre sur le chemin de Bernois. Les positions ont changé là, non? Ben, après, moi c'était plus un terme dans le temps. Après, je faisais pas ça pour économiser quelques lettres de change. C'est plus que plus vite on est arrivé, mieux c'est. Enfin, c'est un peu. Oui. C'est sûr qu'il y a un intérêt certain à arriver plus vite. C'est-à-dire que en termes de temps de voyage, de fatigue, tout ça, c'est pas la même chose de passer, de remonter au nord, de retraverser les Alpes, de passer par la Bulgarie, que de juste se laisser traîner sur un bateau après avoir un peu marché le long le tout escorté par des spitaliers. Ou encore d'avoir suivi une ligne droite. D'ailleurs, en parlant d'hospitaliers, vous envoyez quelques groupes qui viennent de rentrer dans la forteresse et qui commencent à s'installer un peu plus loin. Vous savez que si jamais vous souhaitez prendre le sentier du chasseur, ce sera sans doute à eux qu'il faudra venir vous adresser. Moi, je fais des signes de respect. D'accord, tu vois que certains d'entre eux te les rendent. Honnêtement, je pense que le chemin classique nous suffirait. Parce que. Nous sommes protégés, on a quand même du repos à peu près tous les 40 km, ce qui est pas négligeable. Les 200 lettres de change peuvent être payées, puisque ça nous permettra d'arriver du coup d'arriver là-bas avec 500 lettres de change pour le mois, ce qui est quand même beaucoup, 500 lettres de change. Et lorsque Toric aura fini de danser, je dis bonjour. On arrivera peut-être, à se mettre d'accord que juste, je trouve ça étrange de prendre des risques supplémentaires pour finalement un bénéfice qui est trop moindre. Hein. On s'est apprécié, on attendrait un événement particulier, je serais d'accord. Cependant, on sait que la situation est comme ça depuis un bon moment, pourtant s'y rend tranquillement. Je te reconnais bien là, Efflux. Moi, je demande quel risque. On vient de nous dire que on était sous escorte sur le chantier, que c'était une voie exclusivement réservée aux hospitaliers, donc qui est sans doute gardée. Et on nous dit que les choses qui pourraient nous attaquer. Un traité de paix a été signé, les féromanciens la Francane ne sont plus agressifs. Un passe droit. Exactement. Un marché était quoi. Après, on est... Moi, je pense que si on va arriver le plus dispo possible à Toulon, c'est notre meilleure option. Soit, si vous voulez. Moi, je trouve ça idiot au plus possible, mais soit. Mais alors, du coup, ça ferait combien de jours de différence entre si on passait par le sentier du chasseur et si on passait par le Bernois ? Le sentier du chasseur, alors en effet, c'est une très bonne question. Le pas du Bernois, c'est environ 200 km. C'est ça. Donc le sentier du chasseur, c'est environ 200 km. Économie 100 km quoi, youpi. On va donc. On fait même pas une économie de 50% quoi. Non, parce que vous devez vous arrêter tous les 4 km jusqu'à 3 jours à cause des postes. C'est ça qui va surtout jouer. Donc le passage Bernois, en effet, ça va être entre 1 et 2 semaines. Ouais. Le sentier du chasseur. Et le Rhône, vu que vous suivez le courant, ça va être beaucoup plus rapide. Parce qu'en plus, vous avez pas besoin de faire de pause. Sans doute que vous pouvez quasiment faire aller jusqu'à l'hôpital de campagne de Mercure en une journée, ça se fait. Et en vrai, en 2 jours. Enfin, en un peu plus de 2 jours, on va dire en 3 jours, sans doute que vous devrez vous arrêter une nuit à l'hôpital de Mercure et une nuit dans la ville de Bayonne, qui se trouve un peu au nord de Toulon, à la sortie du marécage. Donc au moins, ça fait quoi, 4 jours? 4 jours pour y aller? 3, ouais, 3 4... jours à peu près. Bernago, voilà. Là par contre, il faut compter 2 semaines. Après ça, comme le disait Flux, voilà, vous n'êtes pas spécialement pressé par le temps, mais c'est vrai que aussi, comme le disait Jacquard, c'est sans doute plus confortable de faire 3 jours en bateau que de marcher 2 semaines à travers les Alpes. Mais vous avez vos chevaux, etc. Donc tout se pèse un petit peu. C'est après à voir vous aussi, est-ce que... Après ça se fait, hein, les Alpes. Hein. Il y a bien des gens qui sont passés avec des armées par ici, mais... Bon, après, j'ai surtout entendu qu'après Bermago, c'était 2 semaines. Ce qui veut dire qu'on retourne au même truc, non? Oui, quasiment. Bermago, ouais, ça doit être quasiment être le même temps finalement que le passage Bernois. Ouais. Le seul truc que vous gagnez à passer par le passage Bernois, en fait, Bermago, c'est plus loin. Mais il n'y a pas d'escale, quoi. C'est plus loin, vous allez d'un coup. Mais du coup, c'est aussi moins sécurisé, surtout que la situation est très instable au nord de la Purgarée. Donc il y a pas mal de nuées apocalyptiques qui se rendent dans les environs pour un peu en mode vautour en fait pour les ils savent que les anabaptistes fuient la région, donc c'est une zone qui est assez instable, c'est pour ça qu'elle est peut-être un peu plus dangereuse. Enfin, plus dangereuse en tout cas, c'est sûr que le donc en gros on a 3 jours par le sentier du chasseur. Ouais. Même 2 pas, semaines en fait. Et 2 semaines entre pour une et les deux semaines autres. Par le passage Bernois en fonction du climat et en fonction de du nombre d'arrêts et du temps qu'on vous fait arrêter. Ça, vous savez pas combien de temps on vous arrêtera à chaque fois. Et Bermago, c'est 2 semaines. C'est ça. Voilà. Donc après, chacun a son point fort et point faible. Après, c'est comme vous voulez. Je pense que le chemin du chasseur reste quand même sympa. Pas forcément parce qu'on serait pressé par du temps, mais parce qu'on est, entre guillemets, pressé par nos estomacs. ce qu'on a en effet des vivres, mais le mieux, d'après moi, ce serait d'éviter de passer trop de repas dans les montagnes, au risque de finir sans rien. Donc, on peut aller au plus vite pour nos estomacs, plutôt que parce qu'on s'est pressé. Après, on est quand même sur une... Si, on... enfin, si tu parles du chemin vers moi, on est quand même sur un axe commercial immense. Non. On est sûr de trouver des marchands à tout bout, au coin de rue, mais c'est sûr que ça va nous faire grandement augmenter notre budget. Et honnêtement, l'argent, c'est clairement pas un problème entre ce qu'on a de base et ce que nous donne le serveur, et etc. etc. On n'a pas tellement à craindre entre nos économies personnelles et le reste. Mais je reste très peu partant sur l'idée du chantier du chasseur, ça me semble être pas si bénéfique que ça. Je vais vous demander de vous décider. Écoutons, on n'a qu'à se décider sur un vote et chacun donne son avis et nous ferons à la majorité. Très bien. Bien, je vous laisse voter. Pour ma part, je choisirai le sentier du chasseur. J'ai extrêmement confiance en mes camarades hospitaliers et sur le jugement de Lito qui nous dit que c'est sûr. Très bien. Pour l'instant, je penche toujours vers le chasseur, en tout cas. Moi, je vais proposer quelque chose de différent. Je vais la jouer carte sur table. Rebouche. On repart chez nous. J'ai la phobie des bateaux. Je refuse de monter sur un bateau, pas comme ça en tout cas. Je ne peux pas. Et franchement, une montagne, c'est rien pendant 2 semaines, quoi. Ça va, on a fait pire. Oh, mais t'inquiète pas, on va t'attacher dans une cabine, tu bougeras pas, et puis si jamais mal te coule, tu te noieras. Si prendre le chemin du chauffeur, ça voudrait dire se séparer de Flux, c'était quand même un peu gênant, donc. Au pire, si tu attends ça à passer par le col, eh bien, moi, ce que je te propose, c'est tu passes tout seul par le chemin de terre et nous, on prend le bateau. Ok. Non. C'est quoi, moi, qui ai 700 lettres de change, hein. Du coup, c'est quoi le... C'est quoi la deuxième? C'est quoi la deuxième option que tout le monde était un peu d'accord? C'était le bleu ou c'était le... Bah, c'est le bleu, c'était le fait de payer et d'être tranquille. On est d'accord que la route qui passe par Varmago, c'est l'arnaque du siècle, puisque ça coûte moins cher, mais c'est que du coup qu'il y a 45 000 possibilités de te faire défoncer. Bah, en fait, c'est pas forcément l'arnaque du siècle, mais c'est la route on va dire, du pile ou face, quoi. C'est la route qui peut très bien se passer. Oui. Vous allez payer moins cher, pas forcément prendre plus de temps et arriver sur place bien. Mais si ça se trouve, vous allez vous faire agresser sur la route. Si ça se trouve, finalement, vous seriez allé arriver plus vite en passant par le passage bernois parce que le climat va être favorable. La route de Bermago, c'est vraiment la route de on ne sait pas. C'est la plus hasardeuse, en tout cas, c'est sûr. Du coup, pour l'instant, j'ai recueilli une voix pour le sentier du chasseur. Ben, je vais me décaler du coup sur le. D'accord. Sur le milieu, le rose. Mokosh donc change d'avis pour le passage bernois. Jacquard. Zorik, je suis désolé, hein, mais. Bon, on va être sympa, on va pas se séparer de Flux. Allez, je vote pour le chemin bleu. Oh, mais ça ne me dérange pas. Après, disons que si Flux, tu nous avais dit ça depuis le début, Ça nous aurait peut-être évité de réfléchir trop longtemps. Oui, c'est sûr que ça aurait été la prochaine fois. Évite de te faire passer pour ce dieu immortel et dis-nous quelles sont tes faiblesses qu'on puisse juger le pour et le contre plus facilement. Soit, dans ce cas-là, je change d'avis et je vais opter pour le bernois. Ouais, ça fait 4 voix pour le Bernois, hein, on est bon. On est bon. On Parfait. passe par le chemin Bernois. Vous avez donc planifié votre futur trajet. Et on est d'accord, enfin, vous gardez ça pour vous, hein, ce que je vous ai parlé, enfin, voilà. Évidemment, t'inquiète pas, Flux. Merci. Si tu savais tous les secrets que j'ai eu à garder. Hein, mon T'inquiète coche. pas. Non. Très bien. Y a-t-il des choses que vous souhaiteriez faire au niveau de la forteresse avant de décider de passer par le passage bernois? Bah, moi, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dois voir l'approvisionneur. Chopeur, de son vrai nom. L'approvisionneur, je suppose que c'est soit un surnom, soit son rang. Son Je ne rang. sais pas si c'est un rang. C'est un C'est un rang. rang, oui. Ok. C'est ceux qui se globalement Ouais. gèrent l'inventaire de la forteresse helvétique. D'accord. Donc voilà, je sais que je vais aller le voir et que j'ai comment on appelle, une missive quoi, à lui donner. C'est ça, un rapport? Oui, C'est c'est ça, ça. très bien. Donc moi, je sais qu'il y a ça à faire. Peut-être aller voir les marchés pour vu qu'on prend la route la plus sûre, voir s'il y a un truc à prendre sur place. Sinon, je sais pas si vous avez quelque chose à faire. Moi, je n'ai que ça. Il a rien à faire. Non plus, rien de plus pour moi. À part peut-être faire un tour, voir comment ça se passe au niveau hospitalier, mais sans plus. De ton côté, Flux, en effet, tu te rends voir le sergent Chopper. En demandant, en questionnant quelques helvétiques en place, tu arrives facilement à le trouver. Et tu vois qu'on te conduit, toi et le reste du groupe, si jamais tu le souhaites, jusqu'au niveau de son bureau au sein de la forteresse. Oui, bah si les autres veulent venir et qu'on les laisse venir, moi ça me dérange pas. Qu'ils voient un petit peu ce que c'est que l'hôpital, même si c'est pas vraiment l'hôpital, mais bon, c'est un peu comme quoi. C'est l'équivalent du hospital, mais pour les helvétiques, c'est. En fait, la forteresse Appii, mais surtout en fait les bases helvétiques, elles se trouvent à travers l'intégralité des Alpes. Puisque c'est en fait une espèce de série de bunkers reliés par d'énormes et de gigantesques tunnels remplis d'armements, de caisses à munitions, d'équipements, etc. Le problème, c'est qu'avec le temps, pas mal de ces zones se sont effondrées et leur stock s'épuise énormément. C'est pour ça que les Helvétiques tirent relativement rarement, finalement, avec leurs armes. Ils ont un peu une espèce de pénurie de munitions. Leurs munitions coûtent très très cher. Surtout que c'est pas facile d'en fabriquer. Du coup, oui, ça crée cette espèce d'énorme base, et là, c'est vraiment, on va dire, le point culminant de ces dernières. Du coup, vous vous rendez voir Sergent Chopper. On vous fait avancer sous escorte helvétique à l'intérieur de la forteresse. Et on vous mène jusqu'à une espèce de bureau. Alors, il faut imaginer qu'ici, tout est fait de béton et d'acier un peu rouillé, mal entretenu, qui fait assez froid. Et que vous avez un petit peu ce côté un peu abri souterrain de guerre, avec des portes coulissantes qui ont l'air énormes, pour arriver derrière dans une salle complètement en fer, avec un bureau en fer, des étagères en fer, une chaise en fer à peine rembourrée, et avec cet homme en tenue donc militaire, une grande moustache proéminente. Il a l'air d'avoir la quarantaine, non, un peu plus, la cinquantaine. Son visage commence à être marqué un petit peu par le temps. Lorsqu'il vous voit, il sourit et fait Bonjour. On m'a dit que vous souhaitiez me parler. Tout à fait, oui, j'ai cette missive pour vous. Et je lui tends la missive. Ce rapport. Faites-moi voir. À ce moment-là, il lit quelque temps. Vous... Pendant ce temps-là, vous regardez, hein, vous scrutez un petit peu la salle dans laquelle vous vous trouvez. Et vous voyez qu'au mur, il est accroché ce qui semble être des décorations ainsi que des armes. Comme si c'était à la fois des trophées et des récompenses un petit peu. En tout cas, des hauts faits de guerre qu'il aurait pu récupérer. Vous savez pas trop d'où est-ce qu'il les tient, mais en tout cas, ça donne une allure assez particulière à cet endroit. Ça donne vraiment un côté très militarisé. Ça doit être quelque chose de passionnant. Très bien, en effet. Suivez-moi, je vous prie. À ce moment-là, il se lève et vous dirige jusqu'à une porte annexe qui se trouve dans la zone. C'est l'un des inventaires principaux de la forteresse. Vous en avez de la chance. Il tape une espèce de code sur une espèce de, du coup, de digicode qui se trouve encadré au mur. Et vous avez une porte, la porte qui commence à coulisser et à s'ouvrir. Suivez-moi, mais ne touchez rien, je vous en prie. À ce moment-là, il vous invite à le suivre, et vous arrivez dans cette espèce de mini-inventaire, une zone qui n'est sans doute pas tout ce que propose la forteresse, mais qui est en tout cas relativement grande, où vous avez étagère sur étagère, et râtelier d'armes sur râtelier d'armes, des fusils, des grenades, des armures automatisées, des livres également, un petit peu de tout, des choses qu'ils ont dû confisquer à des voyageurs, d'autres qui les entretiennent, d'autres qu'ils ont récupérés, des caisses entières de munitions, des barils de pétrole. Le tout derrière des espèces de grandes vitres, ou pour ce qui est un peu moins de valeur, déposées sur des râteliers d'armes, ou des grandes étagères. Ok, alors je prends mon cigare, je fais « on prend tout ». malheureusement, votre accréditation ne vous autorise qu'à récupérer ce sac que voici. Malgré tout, sachez qu'il est très rare qu'une personne non helvétique puisse avoir accès à un tel matériel. Je suis d'ailleurs désolé, mais ceci est notre dernier, dit-il en vous tendant un espèce de grand sac. Et je crois qu'il n'est pas dans un état des plus... comment dire... neufs. Il vous faudra peut-être le modifier un petit peu au cas où il devenait être capricieux. J'ai de la chance que c'est mon domaine. Très bien. À ce moment-là, contrairement au navire, sa portée est de 200 km. C'est-à-dire que vous pouvez, sans trop de soucis, depuis Toulon, réussir à contacter le terminal de contrôle de Morvan. Ou alors, depuis Bayonne, le poste de renseignement de Carnest, qui se trouve sur le passage Bernois. Depuis Toulon, vous pouvez également contacter des villes comme Montpellier, ou Perpignan peut-être aussi, lorsque le climat le veut, j'imagine. Il peut lui arriver d'être assez capricieux et que sa portée en soit diminuée. Évidemment, plus la portée est longue, plus la qualité est mauvaise. Et vous pouvez évidemment passer par le biais des radios helvétiques qui ont été installées par les chroniqueurs, faire relayer le signal jusqu'à plus loin, potentiellement le faire remonter jusqu'à Justicienne. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien non, c'est un très joli objet que vous nous offrez. En effet. Je vais te le rajouter Flux. Je ne me rappelle plus du poids exact du sac. On va dire que c'est que 1, mais c'est peut-être 2. Dans le doute, étant donné que vous avez des montures actuellement, ça devrait pas trop changer de quoi que ce soit. Mais bon, je te le rajoute à ta feuille de personnage. Peut-être que si jamais entre deux sessions je me rends compte qu'il est plus lourd que ça, faudra du coup peut-être que toi tu ne puisses pas le porter ou que tu te dépossèdes de certains équipements. On verra. Quoique. Excusez-moi, est-ce que. Oui. Oui, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, mais du coup, c'est les Touré qui allaient discuter, donc je te laisse finir. Non, mais j'avais fini. Ce que t'allais dire. J'avais fini en fait. Je voulais vérifier que je m'étais pas trop mal à calcul, mais non. Oui, bien sûr. Dites-moi, nous avons à rejoindre Toulon. Et. Nous savons que sur le trajet que nous allons devoir emprunter, nous allons devoir faire pas mal d'arrêts pour des contrôles. Oui, c'est normal. La route ne s'entretient pas toute seule. Serait-il possible, là, sans s'acquitter de. Ne demande pas à s'acquitter des droits de passage, mais d'essayer de peut-être rendre un peu plus rapide les temps d'arrêt? Les choses sont peu évidentes. Nous acquitterons forcément de tous les droits de péage. Ça, ce n'est pas un souci, mais si on peut s'éviter de rester trop longtemps sur un poste et pouvoir En effet, il passer nous arrive de assez faire vite. passer des trafics en priorité sur d'autres. Peut-être que, vu que le climat ces derniers temps est assez aléatoire, nous pourrions tenter d'engager de telles procédures. Avant tout, je vous demanderai de commencer par me régler le sac radio que je viens de vous fournir. Je vous demande donc 6 000 lettres de change. Vous pouvez me payer en liquide. Combien? 6 000 lettres de change. Le versement sera effectué par le serveur. Alors, pour info, Si FX, non, le versement, c'est à toi de le faire, mais tu as eu l'argent en d'accord. plus. Donc, au niveau de votre revenu, ça ne change rien. Simplement, du coup, tu dis recevoir le sac radio. Rapidement, tu le bidules un peu, tu le relis à toi-même à ton bracelet. À ton. Je sais pas si bracelet est le mot, mais. À ta radio, à toi. En fait, c'est simplement un truc que tu vas relier et passer dans ta manche. Enfin, ce sont des modules, ça, t'as l'habitude. Et. Une fois que tu as pris contact avec le serveur, du coup, c'est l'équivalent en fait d'un mail que tu es en train de l'envoyer par le flux, ils te répondent et. Tu reçois l'argent que tu lui verses. Très bien, je vous remercie. À ce moment-là, vous voyez qu'il appuie sur une espèce d'appareil qui se trouvait au niveau de sa combinaison. Et vous entendez un espèce de bruit en mode un truc un peu mécanique qui s'arrête. Et juste derrière vous, les plus attentifs remarqueront des espèces de tourelles de défense qui se mettent en off. Et qui en fait tournait de droite à gauche en vous scrutant tandis que vous vous trouviez à l'intérieur de l'inventaire de la forteresse. Eh bien, parfait, je vous invite à me suivre jusqu'à la sortie. À ce moment-là, il vous raccompagne. Écoutez, vous m'êtes sympathique. Je vais voir ce que je peux faire pour vous laisser passer plus rapidement. Merci beaucoup. C'est À très ce appréciable. moment-là. Il va On faire peut des petits mains pendant. Pardon? enlever tout ce qui est ici d'avant. Non, non, c'est la réserve personnelle de la forteresse. Vous avez eu une. Nous avons évidemment de nombreux contrats avec le protectorat et de nombreuses alliances, notamment avec les chroniqueurs. C'est pourquoi vous en pouvez en bénéficier à titre exceptionnel, mais sachez que normalement, ces objets ne sont pas à vendre et certainement pas à des non-helvétiques. Soyez conscient de la chance que vous avez. Mais si le protectorat a décidé que vous pouviez en bénéficier, alors c'est avec plaisir que je vous les donne. Vous souhaitiez donc passer outre la régulation du trafic. En effet, je vais voir ce que je peux faire avec certains de mes collègues. Peut-être que si nous faisons passer toute une troupe en priorité, les choses pourraient s'améliorer. Maintenant, cela voudrait dire moins de contrôle et peut-être plus sujet. Enfin, non, tout devrait bien se passer. À ce moment-là, il vous sourit et vous raccompagne jusqu'à la sortie. Je vous prie d'attendre, j'irai vous retrouver le plus rapidement possible. Du coup, je le remercie quand même au passage encore une fois pour ce qu'il fait N'y a pas de souci. Tu vois qu'en effet, voilà. il te remercie aussi, il est plutôt cool comme helvétique. Enfin, je veux dire, il est moins strict et militaire que la plupart de ceux que vous voyez qui arborent des faces pas possibles. Peut-être pour ça qu'il est. Chargé des relations avec les autres cultes et du coup de ce qu'il peut distribuer aux gens de passage en mission. Et un peu plus tard, il reviendra vous voir et vous annoncera la bonne nouvelle. En effet, ils vont faire passer des troupes en priorité pour éviter les turbulences. Soit ce sont des personnes en mission, soit ce sont des personnes qui ont payé de fortes sommes d'argent pour passer plus vite. Au début, il vous annonce également que, a priori, c'était pas gagné, mais que un autre groupe, une autre caravane a demandé expressément à passer outre les règles de régulation classique. Et vous les croisez alors que vous vous apprêtez à partir. Il s'agit d'un groupe de néo-libyens. Ils sont tenus donc de commerce, ont acheté pour l'occasion les plus belles fourrures de Gendos qu'ils ont pu trouver pour se protéger du froid. Se pavanent avec de nombreuses affaires, des dorures, plein de choses qu'ils ont pu récupérer, plein de décorations qui valent sans doute extrêmement cher. Et discutent entre eux dans la langue du lion. Tandis que vous approchez, d'ailleurs, ils ne vous calculent même pas. À côté de vous, vous avez un autre groupe. Mokosh et Lito en seront ravis. L'un d'entre eux est un groupe de Jaehaemettan. Ils sont trois. Et ils font sans doute partie de ceux qui ont payé cher pour traverser. En l'occurrence, eux parlent tous en ibri espagnol. Vous imaginez donc que pour eux, Toulon n'est qu'une escale avant de repartir. Le dernier groupe avec lequel vous allez vous trouver, qui va joindre la caravane, le convoi que vous allez suivre, c'est cette fois-ci une troupe de clanistes, des ménestrels itinérants. C'est ainsi donc que vous repartez en direction du passage Bernois. Vous vous acquittez de 50 lettres de change, je laisse l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous vous en débarrasser. Les dédures de s'affichent. On se met d'accord, je paye avec l'argent du logique. doctorat. Très bien. Vous sortez donc de la forteresse alpine de l'autre côté par une route que vous n'avez jamais empruntée auparavant. Vous aviez donc déjà pris la route du nord, également la route en direction de Bermago, mais là, assez rapidement, vous allez changer. Vous allez changer après déjà une bonne demi-journée de marche alors que vous trouvez au premier poste de douane, le poste de douane de Grillonnaise. Grillonnaise. C'est un poste de douane situé dans une vallée proche d'une espèce de colonie et qui relie assez rapidement la forteresse alpine. Vous avez de nombreux convois qui semblent naviguer entre les deux, des marchands, beaucoup de ferrailleurs également. Les ferrailleurs, d'ailleurs, vous les voyez qui sont nombreux à faire le trajet entre la forteresse et Toulon, puisque c'est la principale route, pardon, commerciale qui relie les deux. Lorsque vous arrivez sur place, vous êtes frappé par plusieurs disputes qui semblent avoir éclaté entre de nombreuses caravanes. En effet, un groupe de ferrailleurs en accuse un autre de lui avoir volé certains de ses artefacts pendant la nuit. Vous voyez des Helvétiques qui, eux, sont présents sur place et essayent de résoudre le litige, tandis que vous, on vous range sur une allée différente. De l'autre côté, vous voyez également d'autres ferrailleurs qui, bloqués par cette espèce de dilemme, ont décidé de sortir leurs étals et d'installer leurs marchandises. Et vous font des petits signes au loin au cas où vous aimeriez venir les voir. Est-ce que ça vous intéresse? Moi, pas spécialement. D'accord. Est-ce que dans le monde, il y a aussi artefacts super rares, je sais pas quoi, Non, non, ça qui vaut 15 000 non, non, non, il n'y a rien Non? d'énormément de valeur, malheureusement. D'accord, bon, bah, on continue. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai un artefact super rare. Par contre, tu vois que l'un d'entre Après. eux, si tu veux l'artefact le plus rare qui se trouve actuellement dans l'eau, c'est une boussole. On en a déjà Qui est une, non? déjà pas trop mal. Vous en avez peut-être déjà acheté une. Oui, on en a Une une, oui. boussole, c'est commun, mais ça vaut quand même assez cher parce que c'est pas non plus extrêmement facile à fabriquer. Voilà. Très bien. On vous fait passer en avance et vous vous rendez jusque. Enfin, en direction en tout cas, du poste de renseignement de Carnest. Si vous le voyez sur votre route, c'est la deuxième étape. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir l'atteindre avant la tombée de la nuit et vous allez vous arrêter au niveau de l'un des nombreux avant-postes. À cet endroit-là, vous croisez à nouveau de nombreux clanistes, également des gens qui semblent parler purgaré, qui sans doute fuient également le pays, qui est en train de tomber du coup à la main des clanistes. Donc pas les mêmes qu'en Borka, là c'est des clans beaucoup plus civilisés, mais clans quand même. Certains décident du coup de faire une espèce d'exode. Vous croisez également de nombreux ferrailleurs qui font les allers-retours. D'ailleurs, vous constatez quand même beaucoup de ferrailleurs, vous vous attendiez pas à en tomber sur autant. Et vous croisez également quelques groupes de spitaliers, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a 2-3, surtout des famulanciers, qui semblent aider les Helvétiques à réguler le trafic au sein du passage bernois. Le passage bernois, durant tout le trajet, il faut vraiment vous imaginer les Alpes pures. On a essayé d'y entretenir des routes, mais ça reste quand même une zone forte en altitude, et c'est difficile à dompter comme environnement. Donc en plus du froid ambiant qui est vraiment important, vous avez des épaisses couches de neige, et assez régulièrement des tombées également qui vous aveuglent et qui vous refroidissent encore plus. Ici, le sol est gelé quasiment la totalité de l'année, donc la neige, surtout en hiver, tient extrêmement facilement. Le vent également est super froid, et vous l'entendez au loin résonner avec une espèce d'écho au niveau des montagnes. Vous entendez très peu d'animaux comme des oiseaux ou des guendos. Vous savez que les guendos, il n'y en a pas énormément par là, au niveau du passage bernois, heureusement pour vous. Ils se font exterminer assez régulièrement dès qu'il y a une meute qui s'y aventure par les troupes helvétiques ou hospitalières. Du coup, une fois arrivé à votre premier avant-poste, on vous installe cette fois-ci dans une espèce d'entre-deux parties. En fait, à l'intérieur du passage, on a construit des séries de murs et les ferrailleurs et les clanistes vont être bloqués dans la première série. Quant à vous, on va vous placer dans la seconde. Durant ce premier trajet, vous avez surtout parlé entre vous. Vous voyez que les Néolibiens qui se trouvent à l'avant et qui en fait ont mené la marche tout au long, eux semblent pas du tout avoir envie de parler avec qui que ce soit. Quant aux Géamétan, eux ont l'air beaucoup plus sociaux et ont parlé par exemple avec la troupe de Ménestrel, mais je pense que vous les avez un petit peu évités, notamment il faut savoir que Lito est à peu près aussi, je pense, tolérant que Mokosh au propos des Géamétan. Ce qui fait qu'il y a une espèce de... Surtout que voilà, Lito, lui, il a fait la guerre adriatique en Purgaré, donc il y a vraiment... C'est quelque chose qui l'a marqué. Par contre, peut-être, si vous le souhaitez, vous pourriez discuter avec les ménestrels itinérants. À vous de me dire. Avec les sauvages. Quelqu'un d'autre ? Moi, je... Pourquoi pas, de soi après, faut bien que... On discute un petit peu, essayer de voir, faire un peu le tour des gens qui sont avec moi. Et puis, en tant qu'hospitalier, je me dois quand même, malgré tout, c'est mon credo de veiller à ce que les gens soient en bonne santé. Très bien. Du coup, je parlais peut-être au ménestrel ou je sais pas. Tu as discuté avec certains d'entre eux, tu vois qu'ils sont assez charmants. Ils se font appeler la troupe des Molières. Et lorsque vous arrivez à cet avant-poste pour la soirée, leur chef, qui s'appelle Blanchard, te fait signe de les rejoindre pour festoyer. Tu vois qu'ils ont allumé un grand feu et qu'ils sont en train de faire réchauffer des rats qu'ils avaient récupérés. Okay. On les a chassés nous-mêmes. Venez voir, ils sont délicieux. Je regarde, je vérifie là. La bonne cuisson et le fait qu'il soit bien propre. Tu vois qu'en effet, ça a l'air relativement propre ce qu'ils font. Tu vois qu'ils sont 4 en tout, à la troupe des Molières. Il y a donc Blanchard, dont je t'avais parlé, qui semble être le chef, qui est un homme assez fort d'une quarantaine, cinquantaine d'années, pareil. Mm-hmm. Il a une mâchoire très carrée et arbore des favoris, ainsi qu'une tenue très classe en fait, tu sais, presque... En dessous de son manteau, tu vois presque... Alors, il n'y a pas de cravate, mais tu vois les espèces de chemises de costume. En tout cas, c'est quelqu'un de très propre sur lui. Également, tu as Klaus, qui te présente à côté, qui semble être une danseuse, en tout cas, de ce qu'il t'en dit. Tu vois, elle, c'est une jeune et belle femme, elle doit avoir 26 ans, à peu près, avec de longs cheveux roux. Vous avez également Lucas. Lucas, parce que ça se prononce à la manière de la Borka. Qui lui s'entraîne sur le côté tandis que vous parlez à jeter des couteaux au niveau de cibles qu'il a lui-même dessinées dans des troncs d'arbres ou autre. C'est son rôle au niveau, enfin parmi le groupe. Vous inquiétez pas, Il est très gentil. Ouais, pas de souci. Alors, qu'est-ce que où vous rendez-vous? Eh bien, nous aimerions rejoindre Toulon dans un premier temps et ensuite peut-être nous produire quelques instants dans la ville de, enfin quelques semaines en tout cas dans la ville de Bayonne et peut-être après repartir dans la ville de Ducal. Ce sont des villes, disons, très populaires où nous pourrions facilement trouver des clients intéressés par nos talents particuliers, disons. Regardez par exemple là-bas, à ce moment-là, tu vois qui te pointe une femme qui semble s'occuper de leur cargaison. Gabriel saurait dompter n'importe quelle bête que vous croiseriez. Même à Gendos? Même un Gendos. Vous voyez, actuellement, elle possède avec elle une hyène abandonnée par un groupe de néolibiens. Vous savez, comme eux là-bas. À ce moment-là, tu vois qu'ils te pointent de la tête avec un certain mépris. Du coup, j'ai pas dû en voir beaucoup des hyènes dans ma vie. Ah non, des hyènes, c'est même, t'en as jamais vu. Alors, tu la vois pas actuellement, mais Ben, a c'est priori, si ça. t'en as une, t'en as Ok. jamais vu. Ouais. Enfin, j'en ai entendu parler, mais comme Oui, quoi tu c'était sais ce que c'est de des nom, mais sacrés t'en as jamais bestiaux. vu. Ouais. Mais ah, C'est des hyènes. l'équivalent d'un Gendos en Afrique, hein, vous savez. D'accord. Hein. Oh, j'ai entendu des choses comme quoi c'était des animaux très dangereux dont il fallait Ah énormément oui. se méfier. En effet, en effet. Écoutez, j'aimerais bien voir ça un jour. Bah écoutez volontiers. Souhaiteriez-vous inviter votre groupe à venir parler avec nous? Il y a quelque chose que j'aimerais bien organiser avec toutes les personnes présentes ici, sauf peut-être eux là-bas, dit-il en pointant les néolibiens. Ce serait une espèce de soirée où nous pourrions tous raconter, je sais pas, des histoires autour de thèmes. Est-ce que ce serait pas l'occasion de partager entre nous, entre voyageurs? Nous allons être amenés à marcher peut-être encore plus d'une semaine tous ensemble. Bah écoutez, je veux bien essayer de ramener ceux qui auront l'envie de venir. Hein. Je ne peux pas forcer les gens, mais écoutez, je vais les voir et Bien je sûr. reviens de ce À ce pas. moment-là, il sourit, tu vois qu'il a quelques dents qui ne sont pas réelles et tu sais, qui sont en acier ou en fer, tu sais pas trop. Là, je vous laisse également, j'ai croisé quelques groupes d'hospitaliers, je vous laisse aller les voir. De vous à moi, vous serez bien plus légitime à leur proposer de se joindre à nous. Bien sûr, bien Je vais essayer sûr. de voir de l'autre côté si je peux pas dénicher quelques ferrailleurs et quelques chroniqueurs. Clanis, pardon. Ok. Bah, du coup, bah, je reviens vers mes compagnons. Et Parfait. écoutez, j'ai discuté un petit peu avec les ménestrels, enfin, le groupe d'artistes qui nous suit, qui se nomme du coup la troupe des Molières, si je ne m'abuse, et leur chef, celui qui la dirige, j'aimerais bien que nous joignions à eux pour la soirée, peut-être raconter nos histoires et eux les leurs. Donc si ça vous tente, bah, ma foi, enfin, venez avec moi. Je pose pas aux exclus du monde civilisé. Ma foi, je pense que cette troupe a dû voir beaucoup plus de choses que tu n'en as vu jamais dans ta vie. Ça peut être intéressant d'apprendre des choses. Alors moi, j'y vais avec plaisir. Hein. Très bien. J'adore. Et toi, Mokosh? Oui, je vais venir aussi, sûrement. Bon alors, Jacquard, tu restes dans ton coin ou tu viens avec nous? Tu risques rien après tout. Au Oh, pire. c'est mort. Au pire, tu te feras chier, mais c'est tout. À ce moment-là, vous voyez que de l'autre côté semble se ramener une vraie petite troupe autour du feu qui assez rapidement se transforme en brasier. Il y a peut-être une bonne quinzaine de personnes, voire plus, qui commencent à s'y rassembler. Avec un peu de tout, du coup, enfin, vous et eux compris, du coup, ça va faire. Tout un petit groupe comme ça qui commence à s'installer et partage leur vivre ensemble, et ainsi que quelques histoires. Tout le monde ne parle pas exactement la même langue, mais les gens arrivent assez quand même aisément à se comprendre. Et vous les y rejoignez. historique, est-ce que tu vas voir également les quelques hospitaliers qui se trouvaient au niveau du passage Bernois? Ouais, non, bah, j'essaie de ramener du monde, je vois mes camarades hospitaliers et je leur demande si, s'ils ont envie de se joindre à nous ou pas. Très bien. Effectivement. En effet, tu te rends les voir et certains sont obligés de décliner parce qu'ils sont en poste. Malgré tout, deux d'entre eux acceptent de vous suivre. La première d'entre elles est une femme lancière qui doit être un petit peu plus âgée que toi, de quelques années tout au plus, et qui se déplace avec une genre de béquille. De grandes béquilles en bois, un petit peu à la pirate, hein, pas les béquilles qu'on connaît nous. Le genre de béquilles qu'on trouve dans les vieux lits de camp ou autres. Et elle va s'installer jusqu'à vous. Quant à l'autre, lui, c'est un vieux docteur qui doit avoir passé la soixantaine largement, même plus encore. Très gentil, avec une voix très grave et très basse également. Il a l'air un peu réservé. Et il vient s'installer et dit « Eh bien, écoute, entre camarades... » Oh, ça fait du bien de se détendre un petit peu, de changer les idées. Ça nous fera du bien. Du coup, bah, quand on arrive tous là-bas, si le chef de la troupe est là, je le regarde et je dis... Très bien. Et voilà. Je vais donc passer un peu plus tard dans la soirée. Et je vais changer de musique, n'hésitez pas à baisser le son si jamais elle est trop forte. À ce moment-là, le spectacle a commencé presque à se mettre en place. Enfin, on n'assiste pas à un spectacle, mais ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui savent jouer de la musique se sont mis à jouer de la musique. Les groupes se sont désormais dispersés entre deux brasiers différents. Sur le premier d'entre eux, les gens dansent et boivent. Tandis que sur le second, les gens racontent des histoires, on va dire, presque horrifiques. Je sais pas si c'est le bon terme, mais on demande aux gens de leur raconter des expériences qui les ont marquées, des choses vraiment, voilà, presque traumatisantes qui leur sont arrivées. À ce moment-là, je vais donc vous demander au niveau de quel brasier vous allez vous installer. Est-ce que vous vous installez à celui où les gens racontent leurs moments les plus traumatisants ou à celui où les gens dansent et boivent et rigolent ensemble? Moi, je vais du côté des histoires. Hein. Je suis là pour ça, j'adore ça. Moi, okay, hein, je suis dans mon coin, tranquille, avec mon codex, et moi, voilà, ça se passe très bien. D'accord. Moi, je suis Efflux. Savoir un petit peu l'histoire des gens. Moi, je pense que je suis du côté des histoires aussi, pourquoi pas. Très bien. Lito également va se rendre au niveau des histoires. Et d'ailleurs, au moment où il s'assoit, vous remarquez quand même qu'auprès des gens qui sont autour, il marque une certaine allure. Lito, pour rappel, au-delà de ses longs cheveux blancs qui marquent son visage, et de ses nombreux piercings qu'il arbore, il arbore également de nombreuses cicatrices. Les gens qui ont beaucoup de cicatrices, en général, ça semble indiquer qu'ils aient un certain passé. Alors, assez rapidement, évidemment, le chef de la troupe, qui s'appelle donc Blanchard, lui demande « Et dis-moi, toi, t'aurais bien un ou deux trucs à nous raconter, non? T'as dû en voir de toutes les couleurs. » À qui dit ça? À Lito. À ce moment-là, Lito se pose, sourit quelques secondes et dit « Oui, oui, on peut dire ça. Vous savez, il y a quelques années encore, mon culte était en guerre avec un autre. À ce moment-là, il ne peut pas s'empêcher de jeter un petit coup d'œil en direction du deuxième brasier où se trouvent les Géamétanes en train de discuter avec les danseuses et quelques clanistes par ailleurs de passage. Je vais vous raconter une fois particulièrement... Enfin, j'ai un souvenir particulièrement fort de cette guerre. À l'époque, j'étais encore relativement jeune. La guerre avec les Djamétanes durait déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années. On savait même plus pourquoi on se battait en Purgari. Tout ce qu'il fallait et tout ce qui comptait, c'était récupérer le bassin adriatique. Alors tous les moyens étaient bons. Torture, massacre de villages, kidnapper des enfants, négocier des rançons. Je peux vous dire qu'il y en a eu des prisonniers non officiels enfermés chez les Anabaptistes. Les Djamétanes, eux, pensaient qu'ils étaient simplement morts sur le champ de bataille ou qu'ils avaient déserté. Mais non, on s'occupait d'eux. Un jour, moi et mon groupe, alors que je n'étais qu'un jeune orgastique, nous avons été. On nous a soumis l'ordre de nous rendre sur un champ de bataille. Mais après cette dernière, le terrain était encore fumant. Il faisait nuit. On voyait encore au loin quelques flammes qui crépitaient. Et tandis qu'on marchait dans la boue, alors qu'on y voyait à peine à quelques mètres devant nous, on avait l'impression loin d'entendre des hurlements ou des bêtes en train de dévorer les cadavres qui restaient. D'ailleurs, les cadavres, parlons-en, le sol en était jonché. Des Djamétanes, des Anabaptistes, des qu'on sait pas de quoi ils étaient. Le sol était noir, mais avait cette odeur, vous savez, la même odeur qu'on trouve dans les abattoirs après qu'on ait égorgé tous les porcs qui s'y trouvaient. À un moment, on a entendu du bruit, un peu plus loin, en contrebas d'une espèce de petite dune, de boue. En marchant en bas, on est tombé sur un Djamétan qui avait la gorge à moitié tranchée au sol. Son frère jumeau était mort juste à côté de lui et il essayait de crier, tant bien que mal. Il appelait à l'aide. On entendait sa voix résonner. Alors on s'est rapproché. Il n'aurait pas tenu le trajet du retour, alors j'ai levé mon espadon et je l'ai tranché en deux. Mais c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se gâter. Un peu plus loin, on a entendu des voix qui nous appelaient. Mais c'était pas des anabaptistes. Ils étaient 5 ou 6 au moins. Peut-être plus. Alors que nous, on n'était que 3. On n'avait aucune chance. On a envisagé de s'enfuir, mais ils nous auraient rattrapés. Les tenues des Djamétanes sont bien plus légères que celles des anabaptistes. Bien moins encombrantes. Alors, on a décidé de se jeter sur les corps. On avait quelques secondes tout au plus pour réfléchir à une stratégie si on ne voulait pas finir découpé. On s'est jeté sur les corps des infortunés qui avaient péri au combat. On les a déshabillés et on a enfilé leurs tenues en cuir. On a ramassé la terre, la boue et le sang au sol et on se les a jetés les uns sur les autres pour essayer de masquer nos tatouages. J'ai retiré mon septum pour masquer mon appartenance au culte. Et on a jeté notre équipement dans la boue. Lorsque les Djamétanes sont apparus au-dessus de la colline et qu'ils nous ont éclairés, n'importe qui aurait pu y croire. On avait l'air de parfaits anabaptistes, de parfaits Djamétanes, allongés au sol, agonisant. On les a suppliés de nous aider, et ils ont envoyé les médecins. C'était le moment où frappait. Leur groupe était séparé en deux. S'approchant sur moi, un jeune. Il avait 16 ans, à peine plus. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors qu'il me dévisageait, j'ai compris qu'il avait compris. Je me suis emparé de ma lame et je lui ai planté dans la gorge. Les gars au-dessus n'ont rien vu. À ce moment-là, mes amis à côté également ont récupéré leur équipement. On les a massacrés. Ils ont eu aucune chance. 3 contre 7 hommes. Je sais pas si jamais vous êtes capable de réaliser ce que ça demande. Le lendemain matin, lorsqu'on est retourné à la forteresse anabaptiste, je suis allé voir mon Führer. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai demandé de plus jamais m'envoyer là-bas, en lui jetant la tête du petit au sol. Et je suis parti. À ce moment-là, un petit silence. Puis les gens autour se mettent à applaudir. Et Blanchard reprend la parole. Oh, elle était super celle-là, franchement, bravo. Quelqu'un d'autre a quelque chose à nous raconter? Est-ce que l'un d'entre vous souhaite raconter une histoire? Est-ce que vous voulez entendre l'histoire d'un autre personnage? Après, pourquoi pas raconter un peu une de nos aventures? Genre la fois où on a rencontré alors c'est un pyromancien et qu'on l'a affronté et qu'on l'a tué dans son propre fief. Vous avez tué un pyromancien? Oui, tout à fait. Alors des personnes qui étaient présentes, une seule est aujourd'hui encore avec moi, malheureusement. Nous avons perdu l'autre personne qui se trouvait avec nous. Mais pas lors de ce combat, elle a survécu. Mais oui, ce fut une expérience très difficile. On était à deux doigts de la mort. Et je sais pas pour toi, Mokosh, mais... J'ai eu l'impression que ça s'est joué à rien du tout, à, comme on dirait, à un lancer de dés, à rien. Bon, après, ce n'est qu'une histoire parmi tant d'autres, hein. Il va de soi que nous avons affronté bien d'autres périples. Mais celui-là a le mérite d'être plutôt héroïque et j'en garde malgré tout un bon souvenir. Malgré les séquelles physiques. Tous les jours, on croit quelqu'un qui a rencontré un phéromancien et qui a survécu, ça je peux vous le dire. Et vous y étiez aussi, donc, te dit-il à Mokosh en te regardant. Ouais, j'y étais. Pas pour la fin, cependant, je suis tombé inconsciente. Donc je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. C'est lui qui vous a fait ça? Et dit-il en pointant du doigt. Notamment tes cicatrices. Non. Ça, c'est... Des cafards. Foutu cafard. De l'autre côté, vous avez l'hospitalière, la femme ulancière Maureen que a dépêché Toric pour vous, qui donc se met à cracher au sol. Si vous voulez, moi j'en ai une histoire à propos des cafards. Et pourquoi est-ce que je me retrouve réhabilité à l'hôpital de campagne de Toulon? Voyez-vous, avant ça, je me trouvais sur le front en tant que préserviste. Un poste difficile à atteindre pour n'importe quel hospitalier. Les cafards, on les découpait à longueur de journée en compagnie des juges. Un vrai massacre. Et puis un jour, on est tombé sur un groupe de cafards plus ardu que les autres. Il y avait cette espèce de géant. Il faisait 2,50 m. À vue d'œil. Il était énorme. Il se baladait avec une espèce d'énorme masse, massacrant tout ce qu'il y avait sur le passage. Mais le pire, c'est la fille qui l'accompagnait. Imaginez une Clanisse complètement brûlée, de la tête aux pieds. Mais c'était pas ça le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'était ses facultés au tir à l'arc. Croyez-le ou non, elle tirait ses flèches 3 par 3. Je l'ai vu envoyer une flèche dans la tête d'un homme, tandis qu'elle en blessait un autre de la seconde, en un seul tir. C'était incroyable. Ce jour-là, ça a été un véritable massacre. Et un des anabaptistes avec qui je me trouvais à côté, un fureur, a fait l'erreur de s'avancer trop près avec son calcinateur. On ne sait pas d'où le coup est venu, mais quelqu'un a tiré à l'intérieur du réservoir qui a explosé. Le problème, c'est que parmi le matériel qui se trouvait à côté, plein de micro-débris ont été envoyés. La plupart ont atterri dans ma jambe. Les médecins disent que je pourrais recommencer à marcher assez rapidement. Mais je suis obligé de faire ce trajet à cheval, à l'arrière du cheval et je pourrais très certainement plus jamais courir de ma vie. Foutu cafard. Sachez que on se remet avec un peu de chance et avec le savoir des hôpitaux de tout ça. Je lui montre parce que on voit pas forcément, mais mon bras. J'ai perdu ce bras-là en affrontant un psychokinésiste. Mais parole, vous avez affronté tous les types de modèles de Genesis sur Terre ou quoi? Nous avons, alors, je vais pas dire de la chance, mais plutôt la malchance de croiser souvent des homos de Genesis. Pour l'instant, nous avons la chance de s'en être tirés vivants. Et je montre du doigt Jacquard qui allait écart. Il a perdu plus que moi dans l'affaire et pourtant regardez-le, il marche. Pourtant donc, il marche. Dites-vous que c'est possible pour vous aussi. À la vôtre, à ce moment-là, tu vois qu'elle se sert un verre et qu'elle le boit. Je fais le même. D'ailleurs, plusieurs membres de la mince de la troupe vous apportent régulièrement de quoi boire et manger. Tandis qu'à côté, ils vendent certains de leurs verres précieux. Je ne vais pas vous demander forcément de payer, on peut considérer que certains vous en offrent. Notamment aux gens qui racontent des histoires, on leur offre quelques verres, donc Totoric, on donne de quoi manger ou autre. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait parler d'autre chose ou je regarde Flux. Je regarde Flux du coup, il dit alors Flux, partage-nous une de tes histoires. Je sais, bon, je connais celle que tu as vécue avec nous, mais peut-être serait-ce le moment de partager une des histoires que nous ne connaissons pas. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Racontons donc une histoire. Laissez-moi me souvenir. Ça fait si longtemps. Vous avez parlé de la fois où je suis devenu Jésus. Non, je sais pas. En vrai, j'ai pas d'inspiration. Je sais pas quoi raconter. T'aurais pas une histoire à propos de ton truc de bateau? Dis-je avec un petit clin d'œil de la Flux. De bateau, oui, tout à fait. Non, j'ai pas d'histoire particulière de bateau, mocoche. Tu l'as confondre avec l'histoire d'une caravane avec laquelle on a fait route caniste. Ça devait y être un moment parce que je m'en souviens pas. Bref, en vrai, on va dire que effectivement, je vais raconter une histoire d'avant. J'ai pas d'idée là tout de suite, je suis désolé. Bon, écoute, fais-moi un petit j'en trouverai une séduction pour le principe. Quoique plutôt expression. Juste pour la fin, on va raconter à peu près n'importe quelle histoire. Oh non, ça va, 5, 6, 7. Je trouverai des histoires en off. Mais depuis tout à l'heure, j'y réfléchis. Mais j'arrive pas à trouver quelque chose. Hein. Alors. Ah, 3. Non, c'est en fait, faut pas oublier que. 3, 4, 5, 6. Ok. 6 réussites de déclencheur. Oh, très bien. Tu vois que tu racontes une histoire qui semble rassembler le monde. Tu vas utiliser même parfois ton vocodeur ou quelques effets de lumière au niveau de ton armure pour rajouter un petit peu de mise en scène à ce que tu racontes. Ça semble relativement intéresser les gens. Tu sembles leur démontrer une certaine aura et les captiver. Les gens se posent de plus en plus et commencent à quitter le Brésil à côté, notamment pour vous rejoindre. Jusqu'à ce que votre discussion soit coupée par des applaudissements juste derrière. Mais dites-moi, c'est très touchant tout ça. Et vous êtes interrompu par un néolibien, debout juste derrière vous. Il est bien habillé, trop froidement pour la situation actuelle, mais il semble préférer faire bonne figure. Écoutez, je n'ai rien contre le fait que le reste de la caravane organise une petite fête, mais vous devriez ne pas trop tarder à aller vous coucher. La route sera longue dès demain. Nous ne voulons pas que vous nous ralentissiez. Nous avons affaire, c'est important. Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous avons l'habitude des longs trajets et de la marche forcée. Si c'est ça qui vous dérange, peut-être. Cela me dérange, en effet. À ce moment-là, il se retourne et s'en va. La situation actuellement, l'espèce de euphorie qu'il aurait pu avoir, l'ambiance qui aurait pu s'installer est complètement tombée. Et les gens, petit à petit, commencent à quitter le lieu pour aller se coucher. Retournent dans leur zone respective. Vous pouvez vous loger à l'intérieur de certaines, soit de vos tentes à côté de feu, vous essayez de trouver, enroulé dans plusieurs couvertures, sachant que vous allez avoir certes très froid. Soit vous pouvez vous aménager un petit peu d'espace à l'intérieur des quelques bâtiments disponibles qui sont assez vides et dans lesquels on propose aux gens justement de passer la nuit contre quelques lettres de change. Le lendemain matin, vous êtes réveillé aux premières heures et vous reprenez la route en direction du sud. Vous êtes levé assez tôt, vous avez à peine le temps de manger que vous repartez en marchant. Il fait plus frais aujourd'hui qu'hier encore. Lors de la matinée, vous allez subir pas mal de vent qui va vraiment vous glacer, tandis que le reste du convoi, la troupe des Molières, va se joindre à votre groupe, va presque vous coller et commencer à discuter avec vous. Et surtout leur chef, du coup leur... je sais pas si chef est vraiment le terme, mais... leur maître de troupe, qui va vous parler, vous poser plusieurs questions. Où est-ce que vous vous rendez exactement? Sur Toulon également. Qu'est-ce que vous allez faire, du commerce? Des choses à régler, des trucs qui ont pu... Sur ce qu'on nous a demandé de faire et que moi, je peux pas trop en discuter, mais... Ouais, je vois. Voilà. Dites-moi, c'est pas n'importe qui peut comme ça passer le nombre de jours protocolaires nécessaires à un trafic fluide à travers les Alpes. Si jamais vous allez juste régler quelques affaires, pourquoi demander un tel avantage ? Disons que nous sommes tout de même pressés par le temps et si nous devons nous arrêter comme le veut le protocole pendant des jours, ça ne fera que retarder ce que nous devons faire. Surtout que à cette saison, on ne sait jamais, on peut être d'autant plus arrêté par le climat et ça ne peut qu'encore plus retarder, donc si on peut s'éviter tout ça, tant mieux. Puis les organismes en tant qu'hospitalier, je sais que la haute montagne fatigue d'autant plus les organismes et que nous aurions besoin de plus de repos, et ça, on essaye de s'éviter. Exactement après. Exactement ce que je me suis dit moi aussi, dit-il avec un grand sourire qui dévoile à nouveau ses dents, ses fausses dents. À ce moment-là, il te fait une petite tape sur l'épaule et s'avance en direction des néolibiens. Dites-moi, ça vous dérangerait si on s'arrête dans pas trop longtemps? Je pense que la troupe aimerait bien manger un bout, vous voyez. Et moins d'une demi-heure plus tard, aux alentours de 11h midi, vous vous installez sur le côté. Tout le monde se dépose, pose ses affaires. vous nourrissez vos animaux, vos bêtes. Éventuellement, vous pouvez en profiter pour boire à la gourde. Si ces dernières n'ont pas gelé pendant la nuit. Auquel cas, vous serez obligé de faire un petit feu sur le coin pour rendre tout ça buvable à nouveau. Et vous commencez à vous poser et peut-être à discuter entre vous deux. Quoi est-ce que vous discutez à ce moment-là? Bon, comment ça va, Jacquard? T'as pas beaucoup, on t'a pas beaucoup entendu depuis le début. T'as l'air un peu dans ton coin, tout seul. Ça va? Ça va. Je parle plus de pas aux sauvageons et aux résidus de la civilisation urbaine, c'est tout. Ouais. Après. Et le schnapps. De quoi? Le schnapps que les trois frères nous ont donné. Qui a le schnapps? Je sais pas. C'est vrai ça. Qui a le schnapps? Dans un sac ou sur un cheval? Vous l'aviez pas chargé au sidecar de Mokosh? Bah, il doit être sur mon véhicule alors, qui est sûrement ouais. Chargé dans une caravane ou un truc comme ça. Ah, ça c'est comme tu le souhaites, si jamais tu veux, tu peux le mettre en effet à l'intérieur d'une caravane, ou alors tu peux rouler avec, la voie est un peu glissante, mais ça devrait le faire. Elle est salée régulièrement. Ça se passe comment les caravanes dans Degenesis? C'est des chariots entraînés par des chevaux, des bœufs, En effet, c'est surtout des... Alors, soit ça va être, pour les petits trajets, des chariots à bras tirés par des ferrailleurs. Il y en a certains qui vont traverser les Alpes comme ça, mais c'est vraiment ceux qui sont les plus déterminés. Mais dès qu'ils ont un petit peu d'argent, ou qu'on se retrouve face à d'autres marchands... Alors, en effet, ça va être des caravanes tirées par les chevaux. Un petit peu, en fait, le côté... Je connaîtrais pas le nom exact, mais c'est un petit peu ce côté western, où t'avais la caravane avec le par-dessus en toile et les personnes à l'avant qui guidaient les chevaux. Ensuite, à l'arrière... Les colons, quoi. Ouais, exactement le côté colon. Ouais. C'est un des trucs... Je vais aller chercher du schnapps donc dans mon sidecar et je vais aller en passer à chaque heure. T'en ramènes à Jacquard, est-ce que vous le partagez ou Jacquard tu le bois de ton côté tout seul? Moi je bois pas. Un flux? Non merci, je préfère pas boire en chemin. Moi je m'en prends forcément un peu quand même. La santé hein. Bon, Lito s'en prend une petite gorge également. Et là, du coup, on est où à peu près au niveau du trajet là? Alors, au niveau du trajet. Là, vous êtes à environ encore une bonne journée de marche de l'avant-poste du poste de renseignement de Carnest. D'accord. Et ça fait combien de temps qu'on marche combien de temps on est parti? Là, vous êtes à la deuxième journée de marche. Deuxième journée. Parce que du coup, vous avez esquivé 2-3 jours de régulation. D'accord. Et ouais, vous vous trouvez entre deux, vous savez pas exactement où, vous savez juste que vous êtes sur le trajet, quoi. Et au niveau du temps, on est comment? Enfin, il fait beau, Il fait plutôt beau, justement, c'est ça l'intérêt de faire passer quelques convois en priorité, c'est leur permettre d'arriver avant de potentielles tempêtes, problèmes de climat. Tandis que vous pouvez poser ce genre de questions, vous réunissez autour des cartes que vous avez pu récupérer, vous entendez au loin quelques cris de colère au niveau du groupe de Néolibiens. L'un d'entre eux, d'un seul coup, se dirige d'un pas pressé, en direction du groupe de GM et Tan, et en bouscule un violemment au sol. En gueulant quelque chose, vous semblez pas tout comprendre, mais il semble être question d'un vol. Il dit « Rends-le-moi ! Je sais que c'est vous, on vous a vu traîner autour de notre caravane !» J'accélère un petit peu avec mon cheval et j'essaye de rejoindre les deux. Alors, ok. Sachant que eux sont pas à cheval, hein, pour l'instant, c'est un petit peu la pause, eux sont sur leur côté. Ah, c'est la pause, à leur niveau. Désolé. Et tu vois le Néolibien se relever, le Jamethan également. Le Jamethan qui est soutenu par le reste de son groupe. Restez hors dehors de ça, juge. Oh, mais je ne veux juste apporter qu'une légère contribution. Que puis-je faire pour vous aider? On n'a pas besoin de votre aide. Les... Ils nous ont volé des documents, ils vont nous les rendre. Est-ce vrai? Ces concessions sont importantes. À ce moment-là, le Jamethan, lui, s'en défend. Mais absolument pas, qu'est-ce que j'en aurais offert? Eh bien, si vous dites quelque chose, il vous le faut le prouver. On n'a pas vendu notre âme comme eux. Je parle au néo-libyen, je veux dire. Ok. Oh non. On les a vus traîner autour de notre camp déjà hier soir. C'est bien, sûr que c'est eux. Et vous avez bien vérifié tous vos pactages. On a tout vérifié plusieurs fois à la pause. On nous a volé des choses, on les a pas oubliés sur place, c'est sûr et certain. L'un d'entre eux a dû se cacher pendant la nuit, pendant que vous étiez tous réunis à faire votre petite fête, là. Ah, c'est sûr, c'était bien pratique, hein. Ils ont sauté sur l'occasion, ils se sont éclipsés, personne n'a fait attention. Et puis nous y voilà. Ils étaient avec... Ils étaient avec qui, les Jametan, déjà? Enfin, les danseuses et tout, ils étaient que entre eux? Les danseuses et tout font partie de la troupe de Démolière. Je vais voir. Eh bien, il suffit de demander donc aux danseuses de la troupe. Si jamais l'un d'entre eux n'était pas présent, c'est sans doute lui le voleur, et il suffira qu'il vide ses poches ou ses bagages pour nous prouver que ce n'est pas lui. Je pense que ceci permettrait de résoudre ce conflit sans heure et sans tort du côté des deux parties. À ce moment-là, le Jametan prend la parole. Et lorsqu'on nous aura fouillé, qu'on n'aura rien trouvé, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je dis qu'il faudrait fouiller les anabaptistes aussi. J'ai lagué, c'est passé. À ce moment-là, le Jametan, lui, s'énerve et dit « Mais une fois qu'on nous aura fouillé, qu'on n'aura rien trouvé, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je dis qu'il faudrait fouiller les anabaptistes aussi. » Moi, c'est vrai que j'ai fait une balade pas très loin du pactage des néo-libyens, mais je vous jure que j'ai rien volé. Par contre, je suis sûr d'avoir aperçu une silhouette assez féminine qui pourrait très bien être celle-là, là-bas, dit-il en pointant Mokosh de la tête. Mokosh. Ils sont combien, les Jametan? Ils sont 4. Je vais m'approcher, je vais le regarder d'où en bas et je vais dire « Excuse-moi, mais de nous deux, ce serait pas toi qui est la silhouette la plus féminine ?» À ce moment-là, il commence à mettre sa main au niveau de son arme, donc de sa lame à sa ceinture. Ou alors on pourrait très bien aussi régler ça ici et maintenant. Moi, je commence à arriver aussi au niveau du groupe. Ok. Calmez-vous. En même temps, on ne peut pas commencer à se quereller de cette manière et... De toute façon, on n'aurait pas le temps de le faire, que déjà les hélvétiques nous tomberaient sur le dos. Donc, c'est s'il vous plaît. C'est pour ça que je vous propose de régler ce qu'on a bien. Moi, personnellement, je voyage avec cette fille depuis plusieurs mois, peut-être même un ou plus maintenant. Et je ne l'ai jamais vue voler quoi que ce soit. Alors, j'aimerais que tu appuies tes accusations avec plus de preuves, ou bien... Tu vas devoir vider tes poches et ton pactage devant nous pour nous prouver que tu n'as absolument rien à voir avec ce vol. À ce moment-là, tu vois qu'il saisit son sac qui était posé à côté de son cheval à côté, l'ouvre et le vide entièrement par terre en te regardant droit dans les yeux. À l'intérieur, tu trouves quelques gourdes, quelques morceaux de mouton séchés, également des couvertures. Un poignard et du matériel de déplacement assez classique. Une corde. Enfin voilà, ce genre de choses. Tout le pactage un peu classique, mais en effet, il n'y a aucun document. À ce moment-là, les autres Jametan se dirigent également vers leur pactage et les vident également par terre de la même manière, symboliquement, en vous regardant droit dans les yeux. Allez-y, fouillez. Eh bien... Il me semble que nous ne trouverons point l'objet volé ici. Néo-Libyen, vous pouvez que constater, Avez-vous d'autres choses à avancer, peut-être? Je ne sais pas, vous n'avez rien vu d'autre ce soir-là? Juste une silhouette se diriger près de votre paquetage, c'est bien ça? C'est ça. Et rien d'autre? Mais ça pourrait tout aussi bien être le chroniqueur. Il dit avoir vu une femme, mais on ne sait pas à quoi ce dernier ressemble sans son armure. Non, ce n'est pas le chroniqueur. Je suis également gage pour lui. Je trouve que vous portez gage pour beaucoup de monde ici. Oh, seulement les membres... Que les choses se déroulent du mieux qu'on peut. J'aimerais bien retrouver les documents de ma concession le plus rapidement possible. Sans quoi nous refusons de repartir. Eh bien, soit. Si cela peut arranger les problèmes, on peut tout à fait imaginer que tout le monde vide ses poches. Et puis, à un moment donné, on finira bien par tomber sur la personne qui a réellement volé... Je mettrai également, je dirais même également vous-même. Jamais nous ne nous abaisserons à une telle. Ah, écoutez, je pense que tout le monde joue le jeu, donc vous devez le jouer aussi, sinon on n'arrivera à rien. Et sinon, nous cesserons absolument tout ça, et puis on restera planté. Ah bon, à ce moment-là, tout le monde se réunit à peu près, vide ses affaires par terre. Est-ce que tout le monde dans le groupe ici est d'accord pour déballer son paquetage? Oui. Oui, y a pas de souci. Je crois pas avoir quelque chose de. Bah, y a qu'une seule personne qui a un objet qu'elle aimerait bien garder tranquille avec elle, mais. mais elle le montrera pas de toute façon, donc ça, on en a bien conscience. En effet, Flux, comment est-ce que tu t'organises? Ouais. Comme déjà de base, j'ai tout fait pour pas m'intégrer directement dans la conversation, déjà parce que je la trouve très enfantine. Hein. Enfin, c'est vraiment, c'est peut-être lui là-bas. Du coup, bon. C'est exactement ça. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour l'instant pour Flux. Maintenant, il faut arriver au moment de vider ses poches. Sauf que bon, ils vont pas vérifier toutes les poches, donc j'y vais de la manière la plus naturelle. Mais tu vois, je me fais pour une fois pas remarquer, j'ai envie de dire. Je reste vraiment en mode bon, il faut le faire, je le fais avec tout le monde et je m'en vais quoi. Mais du coup, je ne vide que la partie. En effet, la majorité des paquetages sont fouillés. On regarde au niveau également au niveau des animaux, mais rien n'est trouvé. À ce moment-là, le néolibien qui s'est fait voler en rage remonte sur son cheval et prend la tête de la caravane. Croyez-moi, vous entendrez parler de moi. Je récupérerai mes documents quoi qu'il advienne. Et il repart en avant. Tout le monde rassemble ses affaires. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah tiens, je croyais qu'on n'allait pas bouger. Non mais il est pressé aussi. Il a dit qu'il ne voulait pas perdre du temps. Tu peux pas t'empêcher de voir l'une des danseuses de la troupe esquisser un sourire au moment où tu sors ça. Puis vous repartez en direction du... poste de renseignement de Carnes. Vous allez remarcher encore une demi-journée. Cette fois-ci, vous sentez nettement plus une grosse tension au niveau du groupe. Les Jametan insistent pour être en queue de trafic, tandis que les Néolibiens continuent à prendre la tête. Vous trouvez donc un peu pris en tenaille entre ces deux-là. Et toi, Mogosh, Lito vient t'adresser quelques paroles à un moment assez discrètement, tandis que vous marchez. Les sent pas très bien les types là-bas derrière. Moi non plus. Je me demande s'il faudrait pas qu'on assouvisse notre autorité sur eux symboliquement, efficacement, une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas si ce serait la meilleure chose à faire pour l'avancée de toute la troupe. Peut-être pas d'un point de vue diplomatique, c'est vrai. Mais j'ai tendance à préférer attaquer avant d'être attaqué. Si jamais nous les sentons suffisamment bouillonnant, je pense qu'il faudra qu'on se mette d'accord là-dessus. En attendant, j'aimerais discuter avec toi des quelques, comment dire, obligations essentielles au rôle de Führer. Après tout, c'est pour ça que l'on m'a mandaté à tes côtés. Et tandis que vous reprenez la route, il va commencer à t'expliquer pas mal des préceptes communs du coup à ce rang. Je vais pas tout détailler parce que finalement il y a rien de presque étonnant. C'est des choses assez naturelles en fait. C'est tu propages la foi, tu domines le groupe, etc. C'est finalement des choses que, de manière méta, on peut imaginer assez logique. Après, si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Ça peut être l'occasion. J'en ai pas spécialement sur le moment. Très bien. Qu'est-ce que vous faites vous autres également pendant le reste du trajet ? Justement, pour ma part, je pensais aller voir les autres un par un et leur dire que j'ai un doute. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Mais qu'il faudra quand même qu'on se méfie, pour ma part, de la troupe des Molières. Parce que, de tous, c'est ceux qui sont les plus souriants, les plus conviviaux. Enfin, je sais pas si ça se dit conviviaux, convivial. Mais que, voilà, ça peut cacher d'autres choses, d'autant plus que ils ont le néolibien a parlé de silhouette féminine et dans leur groupe il y a de gracieuses danseuses qui pourraient tout à fait se glisser sans être vues. Voilà, donc c'est juste une impression, c'est juste un truc comme ça qui me vient à l'esprit. Honnêtement, pour ce trajet, je pense que le plus intéressant, c'est juste d'éviter qu'il y ait une confrontation directe entre les deux groupes. On n'a pas d'intérêt particulier à aider l'un ou l'autre des deux groupes. Enfin, je ne les trouve pas très... Ouais, en fait, même des clanistes, et vous savez pourtant que j'ai une certaine sympathie pour ce genre de personnes, non, j'ai pas la confiance ni dans l'un ni dans l'autre groupe. Je pense que le mieux c'est de jouer vraiment une figure de neutralité et juste éviter que les choses soient féminines et que ça devienne un trajet complexe pour rien. Oh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je mettais en avant le fait de se méfier d'eux, mais dans le sens pour nos propres affaires, pas pour le reste, quoi. C'est de faire attention à nos affaires parce que si tu as des gens qui se mettent à les chipper dans les poches. Voilà. Moi, mes affaires plus importantes sont sur moi et j'aimerais bien que quelqu'un essaye de voler quelque chose la nuit. Il risque d'être surpris. Si vous aimez les spectacles de son et lumière, vous adorez aussi. Ouais. Enfin, voilà, c'est ma pensée. En parlant de nuit, je n'ai que faire. Non, vas-y. Oui, je disais, je n'ai que faire de défendre les intérêts de tel ou tel. Je souhaite juste rendre la justice et j'accomplirai mon devoir. Très bien. Ah, mais pour le coup, je trouve que c'est une très bonne chose. Yes. Du coup, on est fait, je disais, en parlant de nuit, puisque c'était le thème de la précédente conversation, vous allez devoir vous arrêter une deuxième fois sur le chemin. De nouveau, au niveau d'un avant-poste, où vous doublez, sans aucune autre forme de politesse, les clanistes et les ferrailleurs qui s'y trouvaient déjà en train d'attendre depuis sans doute plusieurs jours. Au moment où vous passez devant, sous ordre des helvétiques présents en place, vous ne pouvez pas vous empêcher de les entendre râler, voire de vous insulter au passage. Vous pouvez entendre saleté d'Anabaptiste, foutu néolubien, enfoiré de Jamethan, tout ce que vous voulez. À peu près tout le monde y prend pour son grade, surtout ceux qui sont en majorité présents parmi eux. Et ce soir-là, à nouveau, la petite troupe des Molières se met en scène. Cette fois-ci, ils ont monté une véritable tente et ont rassemblé de nombreuses des personnes qui attendaient là. Ils font payer l'entrée, et vous pouvez assister à de véritables petits numéros de cirque, où vous voyez par exemple Blanchard vous présenter le superbe spectacle de Lucas, le lanceur de couteaux incroyable qui ne rate jamais sa cible. Il va commencer par demander à une personne dans la foule de le bâillonner, l'aveugler avec un bandana, j'ai oublié le terme pour les yeux. Bander les yeux. Ouais, lui bander les yeux. Et également va choisir un volontaire pendant la foule pour s'accrocher au niveau d'une espèce de grande palette qui a été redressée et sur laquelle on a tracé la silhouette d'un être humain. Y a-t-il des volontaires parmi vous ? Je pose évidemment la question au joueur également. Mokosh ? Ouais, carrément. Mokosh, à ce moment-là, tu te lèves et tu vois qu'il t'accroche, enfin qu'il t'accroche, oui, c'est ça, qu'il t'accroche au niveau de la fameuse silhouette. On passe des sangles autour de tes poignets, de tes jambes, tandis que l'homme se place devant toi à plusieurs mètres. La foule a le souffle coupé. Ils attendent quelques instants. Tu sembles le voir, pour l'instant, il est pas encore complètement aveuglé, puisqu'il a relevé légèrement le bandana, comme pour mémoriser exactement ta silhouette. On lui baisse alors. Il fait quelques tours sur lui-même. La musique commence à prendre un rythme assez frénétique. Et il récupère son premier couteau. Quatre réussites, dont un déclencheur. Ça passe. Il le jette et ce dernier atterrit entre les deux jambes de Mokosh. À ce moment-là, plus personne ne parle. Les gens ont le souffle complètement coupé et se mettent à applaudir. Deuxième round. À ce moment-là, il récupère un second couteau. Et le jette avec un lancer fulgurant et va le placer juste au-dessus de l'oreille de Mokosh avec une précision chirurgicale. La foule est en délire, les gens applaudissent. Mokosh, comment est-ce que tu réagis face à ça? Comment est-ce que tu te sens, toi? Je pense que, extérieurement, j'essaye de garder une certaine confiance, en tout cas. Mais, au fond, je connais pas Sif et j'ai aucune connaissance de ses capacités, alors okay. Je m'inquiète peut-être un peu. Et d'ailleurs, pour information, pour ce jet-là, j'ai fait 7 réussites, dont 5 déclencheurs. C'est que finalement, c'est marrant, parce que le fait que le couteau arrive juste à côté, on peut pas vraiment savoir si c'est parce qu'il est particulièrement précis ou au contraire, pas trop mauvais. Dernier round, à ce moment-là, les gens sont à nouveau complètement en délire. De nouveau, pareil, le souffle coupé, la musique. Vous avez Klaus, la danseuse, qui, elle, se met à tourner en rond. Il récupère 2 couteaux, un dans chaque main. Les jette, et évidemment, on ne touche pas Mokosh. Par contre, l'un d'entre eux ira se planter au niveau du vêtement de son pantalon, par exemple, au niveau d'une espèce de petit pli. Les gens se mettent à applaudir, quelques lettres de change se mettent à pleuvoir dans la caisse que fait passer Blanchard au niveau de la foule. Tandis que Flux, tu m'as dit, tu restes un peu en retrait. C'est bien ça? Okay. Tout à fait. Qu'est-ce que tu entends par rester en retrait? C'est juste que tu t'écartes un peu de la foule pour regarder au loin? Tu vas enquêter dans le reste du camp? Non, j'enquête pas, c'est pas trop mon but. Enfin, vu qu'on est installé en camp, je reste surtout avec nos affaires et déjà pour un peu de calme, un peu de repos, que les groupes me fatiguent un peu, vu qu'il y a une tension quand même palpable, ça joue. Et voilà, non, je reste un peu dans mon coin, quoi. Mais ce qui fait que du coup, je suis éloigné de la foule, tout ça. Au loin, tu arrives quand même à entendre un petit peu la musique s'échapper de l'espèce de tente presque semblable à un mini chapiteau qui a été installé. plus également les appels assez forts de Blanchard. Pourtant, à un moment, tu surprends une espèce de conversation. Tandis que tu entends au loin, et tout de suite, la dompteuse, celle qui pourrait faire de n'importe quel animal son plus fidèle ami en moins de 2 jours, Gabrielle, la maîtresse des hyènes. Toi, tu entends une autre conversation, un peu plus proche. Comme si 2 personnes s'étaient mises en retrait derrière la tente. Et se mettaient à parler, tu sais, presque comme des messes basses dans la pénombre, pensant être seul. Est-ce que tu essaies d'y prêter attention ou est-ce que tu restes vraiment dans ton coin? J'y prête un peu attention du mieux que je peux avec le bruit ambiant. Tu vas me faire un jet d'instinct perception, s'il te plaît. Il me semble que c'est ça le test. Sachant que, je le rappelle, vous avez désormais le droit de dépenser de l'ego pour n'importe quel test. C'est une règle que moi j'avais rajoutée et qui est devenue en plus officielle entre temps. Voilà. Tout le monde qui. C'est n'importe qui, maintenant, si jamais vous faites n'importe quel test, vous avez le droit de dire je dépense jusqu'à X 3 points d'ego pour améliorer mon test. Enfin, il me semble que même. Il n'y a que le flux. Non, tout le monde. Mais ah oui, mais le test, c'est oui, que mais le geste, c'est moi. Allô? Ok. Bah, je vais utiliser effectivement un point, juste un seul, pour vraiment me concentrer en fait. C'est vraiment la concentration sur l'instant. Il n'y a que le flux qui entend? Oui, il n'y a que lui qui fait le test. D'accord. 3 réussites, dont 1 déclencheur. Ok, très bien. Tu surprends une discussion au loin et. Enfin, tu surprends pendant la discussion et en te rapprochant légèrement, tu essaies de faire attention à toi. Tu vois 2 silhouettes. Tu arrives à reconnaître la première, c'est la danseuse de du groupe. La deuxième, elle, par contre, ne te dit rien. Elle est de dos, tu ne sais pas si elle fait partie de votre groupe ou si juste tu ne l'as jamais vue. Et la danseuse, un moment, plonge sa main dans sa poche, en ressort quelque chose et le tend de main en main. En échange, elle reçoit quelques lettres de change. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. N'hésitez pas à repasser dans la soirée si jamais vous en voulez d'autres. À ce moment-là, elle repart en direction de la tente. Au niveau de la tente, lorsque toi, Toric, tu assistes, et d'ailleurs la majorité d'entre vous pour la première fois, à l'apparition de... de voir pour la première fois une hyène en chair et en os. Vous la voyez, elle est impressionnante, elle est magnifique, elle a un regard comme vous ne l'avez jamais vu. Malgré tout, tu sens que Blanchard, toi, Toric, t'as un peu survendu le truc, hein, elle n'est pas aussi imposante qu'un Gendos non plus. Hein. Mais ça reste impressionnant et la dompteuse en effet arrive à lui faire à peu près n'importe quoi de ce qu'elle veut. Au loin même, les néolibiens semblent s'y intéresser, mais certains regardent le spectacle presque avec un peu mépris. Si certains d'entre vous sont à côté d'eux, vous les entendrez dire « J'ai vu des fléaux faire bien plus impressionnant avec bien plus d'animaux à la fois. » Les fléaux, c'est le culte guerrier d'Africa. À ce moment-là, on annonce à nouveau sur la piste, enfin Blanchard annonce un spectacle de danse particulièrement impressionnant avec un peu de voltige qui va être mené justement par Klaus. J'aimerais savoir ce que vous allez faire de cette soirée, si vous faites des choses particulières. Pour ma part, je vais essayer de plus de me reposer un petit peu. Je vais regarder les différents tours qui font être faits, mais sans pour autant aller parler avec tout le monde. Être plus en mode spectateur, attentiste, plutôt que, comme la dernière fois, de vraiment partager, être dans la masse. Là, c'est plus... D'ailleurs, j'aimerais bien regarder un peu les jeux. Un jet de body stamina, s'il vous plaît, pour voir à quel point vous arrivez à tenir le trajet. Puisque, mine de rien, vous avez un rythme de voyage assez particulier depuis désormais une semaine. Donc, body stamina avec une difficulté de 3. Et si jamais vous ratez, tous les points excédentaires seront déduits de vos points d'ego. Ok. Ouf. Je suis mort. J'ai fait 3 crânes. Aïe. Et le reste, c'est du blanc. Mon coach, elle est KO. J'ai fait 2 crânes et le reste, c'est du blanc. Ah, yes. Moi, j'ai... Tous les Warriors du groupe, ils sont foutus. J'ai fait 2 réussites, dont un déclencheur. Eh bien, en effet... Aussi particulier que cela puisse paraître, Flux, à un moment, tu vois Mokosh arriver dans ta direction. Tu vois qu'elle a mangé, qu'elle a sans doute peut-être un peu bu aussi. Et elle a l'air dans un état pas possible. Et juste derrière elle, Jacquard, une bouteille à la vin, qui lui a complètement cédé à la tentation et s'en est enfilé quasiment d'une traite plus de la moitié du liquide. Il est pareil, complètement mort d'air. Je vais faire un petit jet pour Lito. Je vais m'occuper déjà de ces deux-là. Je vais aller les aider à se border au lit. Et tu remarques en effet, c'est pas du tout leur soirée, ils sont en train pas de craquer, mais peut-être le froid, l'altitude, tu sais pas trop, le fait d'enchaîner les trajets, de pas dormir dans des conditions confortables, fait qu'ils ont l'air complètement morts. Et que sans doute il vous faudra pas mal de repos pour arriver au retour pour pouvoir compenser ça. Mokosh, J'y vais vraiment en mode, j'ai envie de dire paternaliste, mais c'est pas très... Ouais. Mais vraiment, tu vois, genre, les ailes bordées, et même si je regarde un peu ce que j'ai dans mon inventaire, mais est-ce que j'ai pas un truc qui pourrait le remonter artificiellement un peu le moral tout de suite, genre, je sais pas, une petite nourriture un peu... Alors là, tout de suite, non, mais tu sais que tu pourrais presque négocier avec quelques... alors, soit éventuellement au niveau de la troupe, pour, par exemple, récupérer... Alors, tu t'es entendu parler de ça pendant votre trajet. Ils transportent des mets de luxe type miel, caramel, des choses comme ça qui valent assez cher, mais ça reste pas très très cher. Généralement, les gens apprécient énormément parce que ça fait vraiment du bien de manger des trucs sucrés. Ok. Ouais, je vais voir ce qu'il fait. Je vais essayer de pas y quitter des yeux parce que je vois pas qu'il se fasse du mal. Donc, je ferai au mieux et si je peux, ouais, je leur donne un petit caramel si possible, mais okay. En tout cas je m'occupe le plus d'eux pour que ça soit pas trop dur pour la soirée et qu'ils aillent qu'ils fassent le maximum de sommeil. Du coup tu te rends au niveau du groupe des Molières et notamment au niveau des deux membres qui actuellement se trouvent en arrière, qui sont Lucas le lanceur de couteau ainsi que Klaus la danseuse. Et tu vois qu'ils sont en train de discuter également, eux, de manger, de boire, parce que c'est pas actuellement leur tour de faire quoi que ce soit, ils viennent de finir. Mm-hmm. Et j'imagine du coup que tu leur annonces ta volonté d'acheter. Exactement. Ok. Exactement ça. Oui, je dois pouvoir vous trouver ça. Tu vois qu'à ce moment-là, la danseuse se lève et se dirige vers l'arrière, vers une caisse qu'elle ouvre. Et elle en ressort, en effet. T'as demandé quoi ? Deux caramels. Ok, ouais. Tout simplement. Tu vois, en effet, elle te sort quelques friandises. Vous savez, c'est très cher et ça vaut beaucoup. Oui. Je pense que je peux facilement vous en demander 5 lettres de change d'unité. Et encore, croyez-moi, c'est un prix d'ami. Écoutez, en vue qu'on fait un trajet ensemble, est-ce que vous pensez qu'il est possible de baisser 4 l'unité ? Fais-moi un petit jeu de négociation. Trois réussites, un déclencheur. Ok, ça va, t'en fais plus que moi. Yes. Allez, c'est bien parce que c'est vous. Ah, n'hésitez pas à passer. Je savais que vous étiez sympathique. De quoi que ce soit. Mais avec plaisir. Dites-moi, j'ai cru voir. Est-ce que vous aurez un commerce de friandises un peu plus et un peu plus festive. L'hospitalier ou le juge qui vous envoie ? Absolument pas, c'est le chroniqueur. J'ai du mal à accorder ma confiance aussi facilement, voyez-vous. Qu'importe, qu'importe. Je ne suis pas là pour acheter. Si jamais c'est le cas, sachez que sans vouloir y faire attention, j'aurais pu peut-être apercevoir une négociation. Si c'est bien le cas, faites attention. Il y a quand même dans les environs certaines autorités. Je vous en remercie et je ferai attention. Tout dit avec un certain sourire. Avec plaisir. Au moment où elle te tend la main pour te passer les friandises et que tu lui tends la main pour lui passer les lettres de change, je vais te demander de me faire un jet d'instinct perception supplémentaire. Ok. Ouf, j'ai de la chance. Deux réussites. Je vais te demander de me rajouter un bonus. Parce que c'est sûr que tu vois la chose, mais c'est... Enfin, ok. Je vais te demander de me refaire un autre jet d'intellect légende. Ouais. Avec, on va dire... Network en bonus. C'est ça qui serait plus logique. D'accord. Oula. Ça en fait des dés d'un coup. Oh là là, j'ai eu peur. Ok, ça fait deux... Ok. Ça fait trois réussites, un déclencheur, et j'ai eu peur parce que j'ai eu trois têtes de mort en plus. Au début, j'ai vu que les têtes de mort. Il y a un truc que tu remarques, c'est en fait presque sans y penser, au moment où tu tends la main, c'est qu'elle arbore un certain tatouage au niveau de son bras. Et qui représente une espèce d'oiseau. Tu fais pas plus attention. Tu vois que normalement il est plus ou moins caché sous ses vêtements, mais c'est le moment où du coup elle relève le bras, que ce dernier descend légèrement. Et ça toi, tu te rends compte que tu l'as déjà vu quelque part. Ça te dit quelque chose, alors pas exactement comme ça. À ce moment-là, t'as comme un espèce de flash. Tu te retournes au niveau de Klaus... De Lucas, qui lui se trouve à côté avec ses couteaux, il fait même pas attention à vous, il est en train de tailler un espèce de morceau de bois. Et t'arrives assez facilement à réaliser, en tout cas remarquer, le même tatouage au niveau du bras. Tu fais mine de rien, tu récupères ce que t'étais venu chercher, tu retournes au niveau de Mokosh et... Jacquard, qui eux sont en train de dormir très profondément, installés sur vos lits de camp, enroulés dans des couvertures. Autour d'eux, quelques lampes à huile qui servent à les réchauffer aussi bien que peut chauffer une lampe à huile à côté de toi. Et tu réalises quand même que la troupe des ménestrels, enfin la troupe des Molières, elle ressemble quand même vachement à une nuée d'apocalyptique. Surtout si elle vend des bourgeons de brûlure. La danseuse a tout du physique d'une pie. Le lanceur de couteau pourrait parfaitement être une chouette, soit un homme de main apocalyptique. Le chef Blanchard a le charisme d'une corneille, et tu sais que ça expliquerait beaucoup de choses sur pourquoi une troupe de ménestrels paierait un voyage privilégié pour se rendre dans le sud de la Franca. Pour l'instant, tu sais pas trop quoi en faire de plus, tu t'installes seulement de ton côté, tu veilles sur vos affaires. D'ailleurs, tu peux commencer à voir et à confirmer les soupçons de Torik quant à qui a volé les néo-libyens durant le trajet. Au moment où tu te poses, toi, au niveau des affaires, tu ressors le disque de Jem, et presque discrètement, t'es dans la pénombre, et au niveau de ton sac, tu peux pas t'empêcher de le regarder encore une fois. Il est dans ton sac ou dans ta combinaison, je ne sais plus. Dans ma combinaison. Dans ta combinaison. Il me quitte pas directement, voilà. Je préfère. Presque un réflexe, histoire de vérifier que ce dernier est bien toujours là, vu que si on t'avait fouillé au corps, on aurait pu mettre la main dessus, et avec des Jemethan dans le groupe, ça aurait sans doute posé de gros soucis. Et je pèse mes mots. puisque le truc a clairement la gueule d'un objet de géométhane de base. Et c'est à ce moment-là que tu réalises quelque chose d'étrange. Ce dernier semble s'être allumé. Mais pas comme la dernière fois. Simplement une partie et éclaire légèrement l'intérieur de ta combinaison. Et envoie un petit reflet doré. Doré, oui, c'est ça. Lorsque tu t'en approches, tu entends également un léger bip, bip, bip. L'équivalent presque d'un sonar. Toric est toujours pas là. Toric devrait pas trop tarder à revenir puisque le spectacle va commencer à se terminer si jamais tu veux l'attendre. Ouais, je pense que j'ai envie de ne pas dormir cette nuit. Toric, j'arrive. Tu rentres, toi, tu viens de voir, écoute, pour la première fois une hyène. Tu as également assisté à un spectacle de relativement bonne qualité. Mmh. Bon alors, est-ce que je remarque, j'ai remarqué les deux autres qui sont au bout de leur vie? Oui, tu vois qu'ils sont. Tu les vois dormir. Ah, il faut croire qu'ils se sont un peu lâchés ce soir. Ça va être dur demain. Je pense que le trajet est difficile. Hein. Faut dire que la tension se ressent. Bon alors, quoi de neuf? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses, mon cher Toric. J'ai une nouvelle et une bonne nouvelle. Je commence par laquelle? Alors, une nouvelle et une bonne nouvelle. C'est bien, déjà, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de mauvaise par nature. Bah, commence par la nouvelle. Il semblerait que nos chers ménestrels... y a de fortes chances que ce soit une nuée de pie. Enfin, d'apocalyptique, pardon. Ah, tiens, vous n'avez pas semblé t'avoir dit de te méfier d'eux? Ah, ben, pour le coup, on était d'accord. Ça vend des bourgeons. Bon, c'est des apocalyptiques, quoi. Ouais. Et ils ont tous un tatouage, enfin, du moins tous, j'en ai vu deux avec un tatouage d'oiseau. Est-ce que moi, ça me dit quelque chose? Est-ce que moi ça me dit quelque chose, tatouage d'oiseau? Oui, en effet, c'est quelque chose d'assez classique. C'est surtout, en fait, je l'ai peut-être pas assez précisé, mais ce qui a frappé Flux, c'est que c'était des choses qu'il avait déjà vues, puisque c'est les deux membres de la nuée qui sont d'origine borkienne. D'accord. Et vu que Flux a déjà traité pas mal avec différents clanistes ou autres, il a déjà remarqué des nuées avec ce genre de tatouage. C'était pas exactement les mêmes, mais... Ouais. Tu sais reconnaître un tatouage apocalyptique quand on voit. Ok. Ouais, bah du coup, il y a des grandes chances qu'on tienne déjà ceux qui ont volé les papiers des Néo-Libyens. Il y a une forte chance. Après, je sais pas trop comment on doit faire. Comme dit, je préfère rester neutre et éviter les confrontations. On va voir. S'ils font rien de plus, on peut essayer de s'en sortir. S'il recommence, je sais pas trop comment. Bah après, c'est comme je te le disais, moi, c'est plus pour nous que je veux qu'on se fasse attention, parce que d'autant plus que maintenant tu me dis que ce sont des apos, bah il va falloir que vraiment on fasse attention à nos poches. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et d'ailleurs, justement, en parlant de poches, laisse-moi te montrer la mienne. Et du coup, je vais vers lui, je fais, chut, écoute, et je lui mets vraiment ma combinaison pour qu'il entende bien le bip. Si, là, c'est audible. Ouais. En effet, Toric, en t'approchant, tu aperçois la combinaison des flux et tu aperçois le disque de GMA juste en dessous. Qui, justement, émet ce petit bruit en boucle. Et... Tu ne peux pas t'empêcher légèrement de le sortir, vous l'examinez évidemment à l'abri des regards, et en le tournant un peu dans tous les sens. Maximum de précautions. Allô ? Donc c'est le disque qui fait ce bruit-là ? Oui. En fait, je ne fais pas grand-chose de plus. Ça arrive. Juste vous retourner un peu le disque dans tous les sens, essayer de regarder ce qui se passe, parce qu'en effet, est-ce que c'est une bombe qui va exploser. Je vais vous demander, à vous deux, un jeu d'intellect artefact lore. Attendez, je vais taper dessus avec mon marteau, on va voir ce que ça va faire. Mais toi, tu dors, toi. Tu dors. Ouais, c'est le droit, je suis bourré, ouais, de toute façon. Vous dormez profondément. Je rétuise. Vous dormez sans possibilité d'intervenir. Petit pied, un point d'ego. Trois succès, un déclencheur. Ok. 5 succès, 2 déclencheurs. Ok, très bien, c'est largement suffisant. Vous passez un petit peu de temps, notamment toi, Flux. Tu sembles remarquer qu'en fonction de la manière dont tu le tiens, il réagit un peu différemment, comme si le signal s'intensifiait ou pas. Alors, tu diriges dans le camp et tu vas passer une petite heure, voire plus, tandis que tout le monde dort, à simplement déambuler, plus ou moins au nord, plus ou moins au sud, plus ou moins à l'est. C'est tranquillement avec le disque dans ton manteau. Bon. Je déambule avec Torik, hein. Oui, avec Torik, bien sûr. Et cela semble confirmer tes soupçons. Le disque réagit à la manière dont tu l'orientes par rapport aux points cardinaux. En des termes un peu plus clairs, lorsque tu l'orientes au niveau du sud-ouest, il s'intensifie. Il réagit, tu viens de capter le réseau de quelque chose, tu ne sais pas quoi. Pour rappel, le disque, c'était un peu le mélange entre un vinyle et une radio. C'était un système un petit peu étrange et très complexe, sur lequel tu avais pu récupérer un signal. Et il semble s'être connecté avec quelque chose d'autre. Sachant qu'on n'est pas arrivé au Carnest Itilation Faust. Non, pas encore. Pour l'instant, vous êtes encore entre deux. Donc, par exemple, sud-ouest, ça peut indiquer Turin. Sud-ouest. En pure hypothèse. Là, en effet, ah non, pour l'instant, t'as pas encore fait les calculs avec une carte pour voir exactement l'orientation, et puis ouais. C'est sans mais doute un peu vague, mais ça a l'air d'être, ouais. En tout cas, a priori, ça pourrait être la Franca. En fonction de la portée du signal, ça pourrait être l'Ibrismanie également. Ok, ouais. Bah, de toute façon, si on va à Toulon, je verrai comment ça se comporte, parce qu'à Toulon, si ça bip vers le nord, ça pourrait exactement, être une indication différente que si ça bip vers le sud. Ok. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter, tandis que le disque de GMA semble vous dévoiler de plus en plus de secrets.